Bon, je vais commencer. Alors donc le titre que j'ai mis, c'est « L'antispécisme est-il révolutionnaire ?» Alors la question telle qu'elle est posée là, c'est en fait une allusion, pas à l'idée que de savoir si l'antispécisme en soi serait quelque chose de révolutionnaire dans le sens du fait que l'antispécisme apporterait un changement profond, un changement qualitatif à notre façon de voir le monde. Mais est-ce que l'antispécisme s'insère, disons, dans l'optique révolutionnaire, l'optique révolutionnaire au sens où, on en entend parler, je veux dire, avec l'archétype du révolutionnaire, l'image de Che Guevara, etc., mais aussi toutes les déclinaisons de l'idée de révolution qu'on a. Je pense que quand on réfléchit aux choses, je veux dire, les deux sont souvent liés, c'est-à-dire que on a un côté analytique de savoir ce que c'est une révolution, de savoir d'analyser les différentes notions, mais on a aussi derrière la tête des idées archétypales, des notions qui sont peut-être moins réfléchies, mais qui souvent sont extrêmement importantes aussi dans notre façon de penser, dans notre perception des choses, dans notre vision du monde. Et cette question se pose, je pense, c'est une question qu'on a souvent, en tant qu'antispéciste, été amené à devoir affronter, à devoir prendre position plus ou moins dans ces questions-là. Je dis « on », c'est les personnes, historiquement, qui ont fait partie des cahiers antispécistes, qui ont lancé un petit peu le mouvement antispéciste en France. C'est toutes les personnes en fait qui se réclament de l'antispécisme avec différentes positions sur ces questions-là, mais qu'on n'a jamais vraiment affronté de façon un peu systématique. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Et récemment, je suis arrivé à un point de vue qui est peut-être un petit peu en décalage par rapport à ce que je tendais à défendre jusqu'à maintenant. Qui est mon point de vue. Je veux dire que le titre, la réponse que j'apporterai à la question antispécisme est-il révolutionnaire, c'est ma réponse. Et je ne suis pas, je prétends pas représenter l'antispécisme en général, mais j'ai envie de lancer le débat et j'ai envie que ce débat puisse être lancé, c'est-à-dire que qu'on puisse aussi mettre un petit peu les pieds dans le plat par rapport à ça, essayer de réfléchir de manière un peu structurée à cette question-là, en sortant un petit peu des réflexes et des craintes qu'on avait jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression que c'est des terrains aussi où on agit souvent par crainte, par réaction et contre-réaction, réaction qu'on rencontre, réaction négative qu'on rencontre en particulier de la part des milieux de gauche révolutionnaires qui souvent rejettent l'antispécisme et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait une présentation. Je vais peut-être commencer par définir un petit peu le terme antispécisme parce que tout le monde n'est pas forcément tout à fait au courant du mot. C'est pas un mot de la langue courante. Donc l'antispécisme, c'est lutter contre le spécisme. Le spécisme, on l'a défini, c'est une notion qui a été définie dans les années 70, disons, par analogie avec le sexisme et le racisme, c'est-à-dire comme étant une discrimination arbitraire à l'encontre des individus d'autres espèces, de la même façon que le racisme se définit comme une discrimination arbitraire à l'encontre des individus d'autres races, ou le sexisme comme discrimination arbitraire à l'encontre d'individus d'autres sexes, c'est-à-dire de fait de la part des individus humains mâles à l'encontre des individus humains femelles. Ça peut éventuellement être le contraire, mais je veux dire, de façon dominante, c'est dans ce sens-là. Donc, un terme qui est sur la discrimination à l'encontre d'individus. Bon, là encore, la définition que j'en donne, puisque je la définis par rapport au racisme et au sexisme, il faut savoir que le racisme et le sexisme, en soi, sont des termes dont différentes personnes donnent des définitions différentes et pas toujours compatibles. Par exemple, il y a des gens qui diront que c'est du racisme de dire que telle culture est moins intéressante ou est inférieure sur tel ou tel aspect à telle autre culture. Que l'antiracisme serait la proposition du fait qu'il y ait une égalité entre les races prises globalement. Je pense que l'antiracisme, c'est dire les individus sont égaux. Savoir si globalement les Noirs en tant que groupe sont plus grands, sont plus petits, sont plus blancs, plus noirs que les Blancs en tant que groupe, je veux dire, ce sont des choses qui sont d'un autre ordre de réflexion. Le problème du racisme, c'est quand on dit « toi, tu es noir, donc tu n'as pas les mêmes droits que quelqu'un qui est blanc, indépendamment de telle autre caractéristique ». Le spécisme, de la même façon, ça ne me gêne pas du tout de dire que, par exemple, que les chiens sont moins intelligents que les humains, globalement, ou... ça me gêne un peu parce que la notion d'intelligence, il faudrait la préciser, c'est quelque chose qui est aussi idéologiquement marqué, mais je veux dire qu'à ce niveau-là, c'est pas problématique. Par contre, dire que les chiens méritent, enfin la souffrance d'un chien mérite moins qu'on s'en occupe que la souffrance d'un humain simplement parce que c'est un chien, ça pour moi c'est du spécisme, et donc le mouvement antispécisme combat cette discrimination et combat en particulier en pratique la discrimination qui fait qu'on considère que c'est sans aucune importance de tuer, de faire souffrir et de tuer un poulet simplement pour le plaisir de le manger, alors que on considère que c'est le plus grand des crimes que de faire ça à un être humain. Bon, en même temps, l'antispécisme, c'est un point de vue qui, comme l'antiracisme, peut admettre beaucoup de... Enfin, il n'y a pas une définition précise, il n'y a pas un centre antispéciste, un parti antispéciste qui donne une doctrine reçue sur l'antispécisme. Et donc, tout ce qu'on peut dire sur le sujet, ce sont les points de vue de la personne ou du groupe qui le dit. C'est important par rapport à cette question du fait que ce soit révolutionnaire. Alors, historiquement, l'antispécisme s'est placé dans le courant de ce qu'on peut appeler de gauche, dans le sens que on est, disons qu'on est, comme on définit l'antispécisme comme une lutte pour l'égalité de prise en compte des intérêts des individus, comme on le définit par analogie avec l'antiracisme et l'antisexisme, qui sont des mouvements historiquement dans ce qu'on appelle la gauche, l'antispécisme, tout naturellement, disons, s'est retrouvé comme étant structuré théoriquement, comme étant une théorie de gauche, de la part des personnes qui l'ont lancé dans les pays anglo-saxons, comme Peter Singer, en France, de la part des personnes qui ont un petit peu importé l'antispécisme, les idées d'antispécisme en France. Donc les cahiers antispécistes, on était tous issus plus ou moins proches des mouvements anarchistes, donc des mouvements de gauche révolutionnaire, avec une vision révolutionnaire sur l'évolution de la société, avec une pratique de lutte aussi contre la discrimination, contre le racisme en particulier, le sexisme. Donc on s'est placé comme étant dans la mouvance de gauche. En même temps, très vite, on s'est confronté à un rejet de la part des mouvements de la gauche révolutionnaire établie. De la part des anarchistes qu'on fréquentait, il y avait un rejet extrêmement fort, extrêmement méprisant, et de la part d'anarchistes plus ou moins marqués souvent de point de vue historiciste, de point de vue marxiste, révolutionnaire marxiste. Je me rappelle Yves qui avait contacté une revue qui s'appelle Temps Critique, et si je ne me trompe, Yves il n'est pas par là, donc tant mieux si je dis des bêtises, il ne me contredira pas, mais je crois que c'est eux qui avaient répondu un truc du style, un truc méprisant du style, ne confond pas la lutte pour la révolution sociale avec les stupidités de Brigitte Bardot, Bonnardel oublie nous, avec le côté machiste du Bonnardel, de la plupart de son nom de famille, enfin bon, ce genre de ce que moi j'appelle la morgue révolutionnaire, c'est-à-dire un truc où nous on s'occupe de choses importantes, de choses qui s'insèrent dans l'histoire, de choses qui. Du matérialisme scientifique, enfin, il y a tout un vocabulaire qui court autour de ça et qui, je dois dire, qui est extrêmement. Bon, à un niveau personnel qui est très blessant, qui est très dur à soutenir, qui, à mon avis aussi, est très efficace dans le fait de. Je veux dire que les gens sont un peu terrorisés par ça. Enfin, parler de terrorisme intellectuel, j'aime pas beaucoup parce que c'est. Bon, ça confond ça avec d'autres formes de terrorisme, mais c'est quelque chose quand même qui marque les gens et qui font qu'on a très peur de sortir de ce schéma-là, qu'on a beaucoup de mal à sortir de ce schéma-là. Par contre, si on sort de ce schéma-là, on a l'impression que notre seul choix, c'est de tomber dans ce que j'appelle là le discours animaliste apolitique, qui est tenu par beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui souvent aussi ont le même type d'approche très cassante et méprisante et qui se veulent radicaux eux aussi et qui disent les animaux se fichent de la politique, des notions de gauche et de droite qui ne concernent que les êtres humains et les animaux eux, par exemple on nous a dit un animal qui est mangé se fiche de savoir s'il est mangé par un viandiste de droite ou un viandiste de gauche. La seule différence qui importe pour un animal, c'est savoir si la personne est végétarienne ou pas. Bon. Ce à quoi moi, j'ai tendance à dire que, effectivement, le poulet qui est élevé s'en fiche complètement de la souffrance des êtres humains, mais s'en fiche aussi de la souffrance des vaches, s'en fiche de la souffrance des cochons, etc. Et que si on en va par là, je veux dire, on a un discours qui n'a plus aucune structuration et qui ne peut plus rien dire sur rien, à part se lamenter sur le sort de chaque poulet indépendamment et de chaque cochon indépendamment. Donc ça c'est une solution qui pour moi n'a aucun sens. N'a aucun sens aussi pour d'autres raisons qui sont que implicitement dans un tel discours, quand on dit les animaux se fichent de la politique humaine, eh ben, on est en train de faire une séparation entre les animaux et les humains. Alors qu'à la base de l'antispécisme, une des bases les plus fortes à mon avis du point de vue antispécisme, c'est que les humains sont des animaux, qu'on défend les animaux pas parce que ce sont des animaux et qu'ils sont jolis, ou pas parce qu'un jour on est tombé du lit et qu'on a vu des animaux et qu'on est tombé, qu'on a une espèce d'obsession pour les animaux, mais parce que les animaux sont des êtres sensibles. Les êtres sensibles, ça veut dire qu'ils sont sensibles comme nous. Un animal qui souffre, il souffre comme un humain qui souffre. Mieux, je dirais, un humain qui souffre, il souffre en tant qu'animal. Il souffre en tant qu'être sensible, c'est parce qu'il est animal qu'il souffre, et que pour moi la définition de animal, c'est être qui est capable de souffrir et de jouir de sa vie, et peut-être d'autres choses qu'on peut rajouter, mais en tout cas qui sont liées à la sensibilité, au fait d'être un être sensible qui ressent la vie, qui ressent les choses. Donc, les humains, si j'ai passé du temps à lutter contre le racisme, et je dirais même pas contre le racisme à un niveau abstrait, mais contre l'oppression dont sont victimes en France les personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui sont dans une situation très précaire, etc., et qui sont dans une situation d'injustice, c'est parce que ces personnes sont des êtres sensibles, sont des êtres qui souffrent. Donc, la seule justification, à mon avis, à mes yeux, de la lutte contre les oppressions humaines, c'est le fait que les humains sont des animaux. Par conséquent, je pense que l'antispécisme, par définition, est concerné par les souffrances humaines, est concerné par la volonté de combattre les oppressions dont sont victimes des humains. Pas parce que ce sont des humains, mais parce que ce sont des animaux. L'antispécisme est concerné par la souffrance des baleines et est concerné par la souffrance des humains. Après, on peut discuter de savoir si telle ou telle lutte, elle doit être une lutte prioritaire pour l'antispécisme. On peut se dire les humains sont moins nombreux que les poulets. On peut avoir des arguments pour dire l'antispécisme devrait avoir un niveau stratégique, une volonté de s'occuper d'abord de la souffrance des poulets avant de celle des humains. Ça, c'est une autre question. Mais on ne peut absolument pas dire que l'antispécisme se fiche des oppressions humaines. Ça me paraît absurde. Donc, ce discours-là, je pense qu'on ne peut pas le tenir. Le discours inverse qu'on rencontre, qui est les animaux, c'est une préoccupation bourgeoise, donc ce que je vous disais, qu'on a rencontré constamment. Brigitte Bardot, on nous renvoie Brigitte Bardot qui est de droite, avec une espèce de raisonnement qui serait, puisque Brigitte Bardot s'occupe des animaux et qu'elle est de droite, la question des animaux ne concerne pas les gens de gauche. Donc ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout non plus. Et donc, on a comme possibilité de rechange quelque chose où on affirme que la question des humains, ça nous intéresse, que la question animale est une question politique. Et donc, on a le discours animaliste politique. Alors, le discours animaliste politique, moi, j'ai envie d'y distinguer deux possibilités. La possibilité que j'ai marquée B, ici, les animaux sont opprimés par le capitalisme. Bon, là, je mets des phrases du genre schématique. Mais c'est quelque chose qui est tenu souvent par les personnes qui sont de gauche, qui sont dans cette mouvance révolutionnaire, et qui, à mon avis, qui tend à dire, qui tend à essayer de rajouter les animaux comme lutte supplémentaire parmi les luttes préexistantes. C'est-à-dire qu'il y a l'oppression des femmes, il y a l'oppression des Noirs, il y a l'oppression des travailleurs, il y a l'oppression des différentes cultures du tiers-monde par le colonialisme et d'autres choses. Bon, toute une série d'oppressions diverses. Et puis on y rajoute les animaux, et puis on insère les animaux dans une perspective préexistante, une perspective de gauche préexistante, je dis ici, ils sont opprimés par le capitalisme, d'autres diront la question centrale, c'est la question de la domination, donc où finalement on insère les animaux dans un grand tout et on dit oui, il faut lutter contre ce grand tout, et quand ce grand tout on aura réussi à l'abattre, la question des animaux sera résolue aussi en même temps que toutes les autres questions. C'est quelque chose, c'est une façon de faire qui a été faite souvent, par exemple, par rapport à la question des femmes, c'est-à-dire que la question des femmes, elle est insérée aujourd'hui, par exemple, dans la Ligue communiste révolutionnaire, qui s'occupe de la question des femmes, la question des homosexuels, des luttes, des différentes oppressions comme ça, avec des sections qui s'occupent spécifiquement de la question du féminisme, donc où on accorde une certaine spécificité à la question du féminisme, mais où en même temps on considère que de façon peut-être pas automatique, mais que nécessairement, je veux dire que la question du féminisme doit être traitée dans le cadre de la lutte contre le capitalisme, de la lutte pour la révolution, et que c'est seulement avec la révolution que se résoudra réellement la question du sexisme. Bon, donc avec une sorte de lien fort à un certain niveau comme ça. Personnellement, c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais vraiment adhéré, et je pense que, grosso modo, c'est ce discours-là que j'ai envie de critiquer aujourd'hui, et de dire qu'il est possible d'avoir un discours pour les animaux, un discours antispéciste qui s'insère dans... Alors, je dirais pas dans la perspective de gauche, parce que justement, l'idée de gauche, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de critiquer, mais qui s'insère dans une perspective progressiste, une perspective qui soit capable de... d'intégrer une grande partie des espoirs qui sont investis aujourd'hui dans l'idée de révolution, dans l'idée de progressisme, dans la manière dont on le perçoit aujourd'hui, peut-être pas tous les espoirs, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'espoirs qui sont de l'ordre du fantasme dans la perspective révolutionnaire marxiste, mais qu'il y a une grande partie de ces espoirs qui peuvent s'insérer dans quelque chose qui soit plutôt fédéré autour de l'idée antispéciste ou de l'idée sensibiliste, ou je ne sais pas exactement comment le dénommer, mais quelque chose qui, je dirais que si le mouvement antispéciste se développe correctement, on n'aura plus à poser la question de la même façon dont on posait précédemment, c'est-à-dire est-ce que l'antispécisme peut s'insérer parmi les luttes de gauche, mais on aura à se poser la question de comment amener l'antispécisme aussi à avoir un point de vue sur les luttes humaines, sur les oppressions humaines, à intégrer la question des oppressions humaines sans être obligé de renier les spécificités de l'antispécisme et sans être obligé de s'insérer dans ce que moi je ressens comme étant un carcan développé des idées révolutionnaires qui se sont développées dans une perspective humaniste, dans une perspective de libération purement humaine et qui, à mon avis, ne sont pas adaptées à l'idée, à la question antispéciste, à la prise en compte de l'antispécisme. Et je dirais aussi que ça me paraît naturel, enfin ça me paraît logique d'avoir le point de vue que je viens de dire, dans le sens que l'antispécisme, c'est pas juste une lutte en plus, c'est pas juste un petit truc qu'on rajoute en plus. Je veux dire, nous sommes des animaux. Si nous sommes des animaux, nous faisons partie du monde matériel. Dans le monde matériel, il y a des êtres sensibles. Parmi les êtres sensibles, il y a des millions d'espèces. Littéralement, je crois qu'il y a 10 millions si on compte les insectes. Si on ne compte pas les insectes, si on ne compte pas les petites bêtes, parce qu'on n'est pas sûr qu'elles soient sensibles, il y a des centaines de milliers d'espèces de mammifères, de vertébrés, de poissons, etc., qui sont sensibles. Et que cette question-là de la libération, ou de, en tout cas d'essayer de faire un monde meilleur pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble des êtres sensibles, c'est une question plus vaste qu'on doit plutôt voir comme englobant la question de la libération humaine, même si je pense qu'il est impossible de faire l'impasse sur la spécificité de la libération humaine là-dedans, mais que c'est une spécificité extrêmement importante, mais qui s'insère dans quelque chose, dans une globalité qui est la prise en compte des êtres sensibles en général, alors que le point de vue révolutionnaire s'est développé sur le terreau de perspectives humanistes, de perspectives humanistes qui elles-mêmes se sont développées sur des terreaux religieux, qui mettaient vraiment l'être humain au centre de ses préoccupations, et la perspective révolutionnaire était quelque chose qui de façon assez naturelle s'est développé d'une manière qui a énormément de mal à intégrer l'idée des animaux, l'idée de l'antispécisme, l'idée d'une prise en compte sérieuse des animaux en tant que tels, des animaux non humains. Ah bon, là j'ai commencé un petit peu par essayer de parler, parce que je vais centrer ça un peu sur la notion de révolution, parce que je crois que c'est une notion un peu fédératrice de cette perspective de gauche, cette perspective qui existe. Je pense que c'est une notion qui, même si aujourd'hui dans le monde, les personnes qui se disent proprement révolutionnaires sont devenues assez minoritaires, il faut quand même voir que le XXe siècle a été dominé par une... la division du monde entre une moitié du monde qui se disait capitaliste, enfin qui a été qualifiée de capitaliste par l'autre moitié, qui s'appelait elle-même le monde libre, et puis l'autre moitié du monde qui se disait communiste, et qui se réclamait de l'idée révolutionnaire. Aujourd'hui, ça a beaucoup baissé, c'est-à-dire que depuis la chute du mur de Berlin, la partie communiste du monde est devenue... formellement, il y a encore la Chine qui représente le quart d'humanité, mais je veux dire, plus personne ne croit que la Chine soit réellement quelque chose de communiste. Le communisme s'est réfugié, dans sa version explicite, dans sa version qui se réclame explicitement des idées de Marx et Engels, s'est réfugié dans dans les partis communistes, dans les quelques mouvements radicaux qui existent encore dans le monde, mais qui sont devenus très minoritaires. Mais il n'empêche que je pense que, même si c'est le cas, je pense que cette idée, cette référence à l'idée de révolution est restée extrêmement présente dans toute la gauche, est restée comme une espèce d'arrière-plan de rêve, un peu comme parmi les gens qui ne sont plus pratiquants chrétiens, les idées chrétiennes restent, même si elles ne sont pas, on n'y adhère plus de manière explicite, de manière complète, au credo chrétien, au credo catholique, ça reste quand même plus ou moins conscient, mais extrêmement, extrêmement fort, qui structure la pensée des gens. Et donc je pense que cette idée de révolution, c'est quelque chose de très structurant pour toute la gauche. C'est un peu l'archétype ou le paradigme de l'idée de gauche, l'idée de révolution. Alors ce que c'est la révolution, bon, on peut avoir différentes définitions de ce que c'est la révolution. C'est un mot qui, d'une certaine façon, est extrêmement banalisé. Si on dit une révolution ici, l'introduction du frigo, c'était une vraie révolution. Bon, ça c'est quelqu'un qui dit ça. Bon, à un certain moment, il y a eu un changement, donc c'est un changement important. Ce qu'il veut dire là, c'est que c'est un changement important, que c'est un changement d'une certaine façon qualitatif, c'est-à-dire on ne vivait plus les choses de la même manière après. C'est un changement qui a été assez brusque, qui s'est fait en peu de temps. Ici, on parle de ère nouvelle. Bon, ère nouvelle, ici, même si c'est quelque chose qui peut paraître banal, c'est quand même une référence à, je dirais, un peu une succession historique des choses. On avait l'ère pré-chrétienne, l'ère chrétienne. On parle d'ère nouvelle, par exemple, en mai 68, on disait plus rien ne sera comme avant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est-à-dire vraiment un changement historique important. Bon, ça c'est un extrait que j'ai trouvé l'autre jour dans un journal qui s'appelle Le Progrès. Ah bon, l'idée de progrès aussi est quelque chose de banalisé. Je dis ça parce que en fait, ma conclusion, ce sera que le seul terme que je retiens vraiment parmi la kyrielle des termes marqués à gauche, c'est l'idée de progressisme. Bon, j'expliquerai un petit peu dans quel sens. Il faut constater qu'effectivement, l'idée de progrès aussi, c'est quelque chose de banalisé. Bon, une autre vision de la révolution, c'est ça, c'est une étude que j'ai trouvée à Genève. Donc, qu'est-ce qu'une révolution ? Des prix abordables, c'est de la révolution. Donc, la révolution, c'est des prix abordables pour la location des voitures, si j'ai bien compris, ou quelque chose comme ça. Donc ici, c'est une banalisation du terme, mais qui montre aussi, là, on a le personnage de style Che Guevara, ou je ne sais pas quoi, révolutionnaire cubain avec l'étoile rouge. Et donc, ça montre que même malgré la banalisation du terme, la référence politique est encore très présente. Voilà. Donc là, je résume un petit peu ce que c'est l'idée de révolution. Donc un changement profond, qualitatif par rapport à quantitatif, ce qui est quelque chose qui joue quand on oppose l'idée de révolution à l'idée de réformisme. On oppose souvent, et ça c'est un autre volet qui concerne directement les antispécistes. Vous avez dit que souvent les gens qui se réclament d'un antispécisme apolitique ont aussi un discours qui se dit radical. Et se disent radical, par exemple, par le fait de dire « moi je suis pour les droits des animaux, je ne suis pas pour des petits changements progressifs, je ne suis pas, par exemple, pour élargir les cages ». C'est un slogan qui a été lancé par Tom Reagan aux États-Unis. On n'est pas pour des cages plus grandes, on est pour des cages vides. Donc pour faire disparaître l'exploitation animale radicalement et pas des progrès qui seraient des progrès en termes de bien-être. Donc avec cette opposition que créent souvent les gens qui sont pour les droits des animaux entre l'idée de... Donc l'idée de droit des animaux... l'idée de droit des animaux qui serait révolutionnaire et l'idée de réformisme, de welfareisme. On dit welfareisme pour dire que c'est juste pour des améliorations de bien-être des animaux, mais qui ne remettent pas en question la racine du mal, que remettent en question les droits des animaux. Là encore, c'est quelque chose que je trouve que c'est un faux débat. Un faux débat qui est initié un peu par cette idée de révolution. Donc, et en particulier par cette idée de changement qualitatif. Donc un changement rapide, que la révolution c'est un changement rapide, le début d'une ère nouvelle, avec ce slogan que rien ne sera comme avant de mai 68. Une figure culturelle très répandue, donc malgré la chute du mur de Berlin, c'est encore quelque chose qui est extrêmement présent, et le fait que, donc, malgré le fait que très peu de partis de gauche aujourd'hui se réfèrent explicitement à cette idée de révolution, ça reste une figure centrale, et aussi je dirais que le marxisme, qui est un peu la théorie structurante derrière cette idée de révolution, y compris chez les anarchistes qui souvent rejettent le marxisme en tant que tel, mais où à mon avis on retrouve une grande partie des idées marxistes qui se livrent révolutionnaires, et donc leur idée de révolution est structurée par ces idées marxistes, donc le marxisme reste très présent dans ce point de vue-là. Et donc là, je voulais dire qu'au-delà, voilà, au-delà du fait d'avoir une définition formelle de l'idée de révolution, c'est quelque chose qui est extrêmement fort au niveau des aspirations des gens. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie, même si le terme est rejeté par les marxistes au niveau de la théorie. C'est un espoir, et c'est un espoir, c'est une sorte d'espoir fou. C'est pas juste un espoir que demain on aura une cinquième semaine de congés payés, ou c'est quelque chose qui donne aux gens l'idée que le monde peut être radicalement différent et radicalement beau. On parle à une époque de paradis sur terre. C'est aussi quelque chose où on a l'impression peut-être que les contradictions qui existent aujourd'hui seront résolues. Et à mon avis, l'idée derrière ça, c'est peut-être qu'elles seront résolues de façon peut-être un peu presque magique. Là, je cite une phrase de Marx qui est assez lourde au niveau des différents éléments qu'il y a dedans. Donc, c'est une phrase de Marx vers la fin de sa vie, je crois, qui résume un petit peu sa perspective de l'idée communiste, de l'idée qu'il imagine de la société après la révolution. Donc quand auront disparu la servissante subordination des individus à la division du travail, et avec elle l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital, quand avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi, et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé, et la société pourra écrire sur ses drapeaux « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Donc une idée très belle donc de communisme, avec cette vision de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, c'est-à-dire, ça c'est par opposition à la phase précédente que décrit Marx, qui est celle du socialisme, où on donnera à chacun selon son travail, c'est-à-dire tu travailles beaucoup, tu recevras un gros salaire, si tu travailles peu, par exemple si tu es malade, ou si tu es flemmard, tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup envie de travailler, on te donnera peu. Si tu as des gros besoins, par exemple, tu es... je sais pas, tu as une grande famille, tu as beaucoup d'enfants, on te donnera pas plus d'argent, on te donnera seulement en fonction du travail que tu as fait, on tiendra pas compte de tes besoins. Donc ça c'est la société socialiste décrite par Marx, où les gens seront forcés à travailler d'une certaine façon, ils seront obligés à travailler pour avoir leur salaire. Dans la société communiste, les gens ne seront plus forcés à travailler pour avoir leur salaire, ils travailleront non comme moyen de vivre, comme nécessité pour vivre, pour gagner leur argent, pour gagner leurs moyens de vivre, mais comme besoin vital. Et Marx, si j'ai bien compris, alors il faut dire que cette présentation, j'avoue que je ne suis pas du tout un érudit de Marx. Je me suis intéressé récemment à essayer de comprendre de façon un peu structurée la pensée de Marx et Engels, la pensée des origines du marxisme et du développement après. Je m'y suis intéressé parce que j'ai fini par prendre conscience du fait que, qu'à mon avis, c'est important d'aller voir un petit peu aux sources de cette pensée pour la critiquer, pour trouver ce qu'il faut garder, ce qu'il faut rejeter, que c'est un vrai enjeu et qu'on ne peut pas rester dans un petit peu l'à peu près où on est resté jusqu'à maintenant. Mais je peux dire beaucoup de bêtises par rapport à ça. Mais il me semble, donc, de ce que j'ai recueilli et des différentes discussions par rapport à ça, donc, que l'idée qu'il y a là derrière, c'est que le travail est une caractéristique humaine fondamentale, je dirais, suivant Marx, ça fait un peu partie de sa nature, et que donc travailler, c'est presque la réalisation de l'humanité, de notre humanité, que c'est une caractéristique humaine fondamentale, donc c'est ce qui nous distingue des animaux, peut-être, suivant Marx, et que donc le travail, c'est quelque chose qui, normalement, que les humains devraient normalement faire spontanément. Et un des problèmes posés par Marx, c'est comment ça se fait que le travail, au lieu d'être une activité spontanée des humains, une activité que les humains feraient avec joie, c'est quelque chose que les humains sont forcés à faire avec la famine. S'ils ne travaillent pas, ils meurent de faim, comme bâton pour les obliger à travailler. Et donc ce bâton de la famine restera encore présent dans le socialisme et petit à petit disparaîtra, suivant cette idée du communisme, et sera remplacé par le simple fait que ça soit l'expression d'un besoin vital. Et Marx, semble-t-il, a refusé de façon obstinée, de façon systématique et explicite, de décrire de manière plus détaillée le fonctionnement de la société communiste. C'est-à-dire l'idée que dans la société communiste, comment on se débrouillera pour faire qu'il y ait des gens qui ramassent les ordures, comment on se débrouillera pour savoir qui fait la vaisselle après le repas, et tout ce genre de questions-là, de ce que faisaient en son temps d'autres personnes que Marx appelait les socialistes utopistes, qui cherchaient à construire une société, une vision avec des mécanismes pour répartir le travail et des mécanismes qui permettraient qu'il y ait une certaine égalité ou qui permettraient d'assurer éventuellement, dans le meilleur des cas, que chacun puisse recevoir selon ses capacités et chacun reçoive selon ses besoins. Marx a refusé ça et simplement dit que c'est quelque chose qui naîtra d'un processus historique qui apportera forcément ce communisme. Si j'ai bien compris ce que dit Marx. Mais personnellement, je pense que c'est impossible. C'est impossible à croire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de la pensée magique, c'est-à-dire l'idée que comme si les humains changeraient de nature, ou comme si leur vraie nature se révélerait à ce moment-là. Je ne vois pas comment il est possible que, par une espèce d'élan naturel, les humains, sans qu'il y ait jamais besoin de... simplement spontanément, par besoin vital, les humains iront ramasser les ordures. On peut dire, par exemple, que, pour prendre une comparaison, qu'il est dans la nature du lion d'aller chasser. Bon, c'est une comparaison que j'aime pas trop, dans le sens que la chasse, c'est quelque chose que j'aime pas, mais en mettant de côté la question de la prédation, on pourrait dire que c'est dans la nature du lion d'aller chasser. C'est vrai, tous les lions se lèvent pour aller chasser. Il n'empêche qu'à mon avis, les lions, s'ils n'étaient pas obligés d'aller chasser quand ils ont faim, si c'est pas la faim qui les amène à chasser, ben ils n'iraient pas chasser. ou peut-être que les lions iraient chasser par de temps en temps par jeu, comme les chats peuvent aller chasser la nuit, mais certains iraient, d'autres n'iraient pas, et d'autres choses pénibles que les lions peuvent avoir à faire, ils ne les feraient pas. C'est-à-dire le fait de dire c'est un besoin vital, ça ne résout pas le problème. Je pense que pour les êtres humains, produire la nourriture, arriver à produire la nourriture, arriver à cultiver la terre, arriver à nettoyer, ramasser les ordures, enfin, il y a une grande quantité de tâches qui correspondent aux besoins vitaux dans un certain sens, dans le sens que c'est une nécessité vitale, mais c'est une nécessité vitale au sens que c'est un moyen de vivre. C'est pas une nécessité vitale au sens où on sentirait en nous le besoin de le faire. C'est la matière qui nous impose ça. Et je pense qu'il y aura toujours une contrainte de la matière qui nous imposera des choses désagréables. Les choses désagréables ne disparaîtront jamais. Et je pense qu'il n'y a aucune manière de faire, d'assurer ce qui pour moi est un idéal aussi, c'est-à-dire de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité réaliste d'assurer ça sans faire appel à quelque chose qui pour moi s'appelle l'éthique et qui est la seule chose, à mon avis, qui peut amener les êtres humains parfois à travailler les uns pour les autres, les bien portants à travailler pour les malades, ceux qui ont beaucoup de besoins à être nourris par ceux qui ont moins de besoins, ainsi de suite. Il n'y a que ce qu'on appelle l'éthique qui peut amener à faire ça. Et malheureusement, l'éthique, c'est quelque chose qui a été exclu, à mon avis, en grande partie par Marx, par le point de vue de Marx, par le point de vue révolutionnaire, et qui, en tout cas, en pratique, quand on se confronte aux personnes qui ont le point de vue révolutionnaire, il est extrêmement fréquent, voire c'est une règle presque générale, que ces personnes refusent toute référence à l'éthique, voire ont un discours extrêmement méprisant envers l'éthique, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument casser par rapport à cette approche révolutionnaire. Je pense que c'est pas quelque chose simplement de superficiel et d'accidentel dans ce point de vue révolutionnaire. Je crois que c'est quelque chose d'assez profond. Bon, j'avance. Je suis désolé, c'est un petit peu décousu. Hein. J'ai eu du mal à mettre ce truc à rassembler les différentes choses. Et j'essaye en même temps de dire un petit peu tous les éléments. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à discuter. Alors, je vais essayer d'aller plus vite quand même. Alors, un autre élément donc qu'il y a dans l'idée de révolution, bon là aussi on peut en discuter, c'est peut-être des bêtises que je dis, mais je crois quand même que c'est très présent, c'est l'idée de fin de l'histoire. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi dû au point de vue fédérateur du marxisme, c'est-à-dire tous les problèmes relèvent du même problème central. Pour les marxistes purs et durs, c'était des questions économiques, c'était des questions, c'était le capitalisme, c'était la question du développement des moyens de production et des différentes structures de production. Et que dans cette idée-là, quand on aura fait la révolution au niveau d'avoir abattu le capitalisme, ou quand on aura fait une révolution peut-être même plus globale qui tient compte des autres choses, et ben après ça, il n'y aura plus rien à... Alors, là, je ne sais pas si... Oui, voilà, c'est ça la première diapositive sur la question. Donc, cette idée de fin de l'histoire qui, de fait, est extrêmement présente dans ces perspectives-là. Donc, je prends comme exemple la chanson qui s'appelle l'Internationale, qui est la chanson, disons, l'hymne presque officiel des mouvements révolutionnaires, marxistes et aussi anarchistes, où le refrain, je crois que c'est le refrain, ça commence par « c'est la lutte finale ». Ce qui veut dire, après ça, il n'y aura plus d'autres luttes. La fin de l'histoire, c'est un peu une idée où on sera tous, tout ira bien, il n'y aura plus besoin de faire d'autres luttes. La lutte finale résoudra l'ensemble de ces problèmes-là. Bon, je caricature, mais je pense qu'il est juste aussi de caricaturer, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans cette perspective-là. un autre vers, une autre sorte d'international, la raison tonne en son préter. Je ne sais pas très bien ce que veut dire cette phrase-là, mais c'est l'irruption de la fin. Bon, je ne sais pas exactement dans quel sens ça veut dire l'irruption de la fin. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est l'idée de la fin de quelque chose. Dans la pensée de Marx, c'est les statuts de la première association internationale des travailleurs de 1966, et les statuts ont été rédigés, si j'ai bien compris, par Marx lui-même. Donc au début, c'est la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière et une lutte pour l'abolition de toute domination de classe. Et Marx dit par ailleurs que la lutte des classes, donc la structuration de la société en classes, qui sera abolie par la révolution, la structuration en classes, ça a été le moteur de l'histoire. Alors bon, on peut discuter de cette espèce de raisonnement en trois termes qu'on a ici, avec comme conclusion l'émancipation de la classe ouvrière implique la fin de l'histoire. Bon, c'est pas un raisonnement rigoureux, mais je pense que c'est ça qui est un peu l'écume qui reste dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'on va abolir l'idée de la structuration de la société en classe, et à partir de ce moment-là, l'histoire prendra fin. On a parlé de société sans histoire et de société sans classe dans les sociétés primitives, enfin dites primitives, indiennes d'Amérique du Sud. Et on dit que la société humaine aussi devra évoluer vers une société sans classe, une société sans histoire, après toute cette espèce de travail, en fait, tribulation du monde pendant toute la période historique. Et donc, avec comme problème central, l'idée de révolution. Alors, cette idée de révolution, donc, comme je disais, a été, je pense que ça a été fait surtout au XXe siècle. Elle a débordé de la sphère économique en fédérant des idées de libération de la femme, donc la fin de toute exploitation, de toute domination, libération de la femme, libération sexuelle, pour gagner des biens. Aussi au niveau d'autres types d'oppression comme les racismes. Au début le mouvement ouvrier, c'était un mouvement qui se concernait, enfin, qui se préoccupait vraiment que de la libération des ouvriers des pays du monde développé, avec souvent un point de vue extrêmement méprisant envers les colonies. Je veux dire, les ouvriers souvent étaient aussi colonialistes que les classes dirigeantes, mais donc cette idée de combattre le nationalisme et le racisme a été intégrée au cours du XXe siècle à ça, avec une petite remarque en passant, que souvent ces idées venaient d'ailleurs. Ces idées venaient d'ailleurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mouvements révolutionnaires qui ont été les plus moteurs, je pense, dans le développement des luttes féministes, dans le développement des luttes contre le racisme, etc. Et l'idée donc que toutes ces contradictions seront résolues d'un seul mouvement. Et l'ensemble de ces idées qui sont intégrées à l'idée de révolution, c'est un peu un ensemble d'idées dans ce que j'appelle la constellation des idées de gauche. Donc on est de gauche, mais on est pour la révolution. Être pour la libération des homosexuels, c'est être de gauche. Être homophobe, c'est être de droite. Être raciste, c'est être de droite. Être antiraciste, c'est être de gauche. Donc sur chaque question, à la limite, il y a une espèce de division du monde des idées entre être de gauche, être de droite. Et avec au centre, à mon avis, avec au centre un peu inconscient parfois, l'idée structurante de révolution. Je prends un exemple, donc la Ligue communiste révolutionnaire, donc un parti qui se réclame du marxisme, qui prétend intégrer l'ensemble de ces luttes-là. Si on regarde la partie qui est en gras, on remarquera peut-être que l'antispécisme n'est pas dedans, mais eux prétendent intégrer toutes les luttes qui valent la peine d'être intégrées. Et avec un slogan qui, moi, m'a toujours donné envie de grimper au mur, c'est 100% à gauche. La Ligue communiste révolutionnaire, c'est 100% à gauche. Un peu comme les trucs qui se disent 100% sans... 100% sans matière grasse, 100% je sais pas quoi. Voilà, nous on est 100% à gauche. Un slogan qui d'une certaine façon est extrêmement violent, parce que ça veut dire si vous n'êtes pas d'accord avec la Ligue communiste révolutionnaire, vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes quoi? Vous êtes dans le camp en face, vous êtes dans le camp des réactionnaires, vous êtes impérialiste, capitaliste, raciste, colonialiste, anti-écolo, sexiste, et pour les oppressions en général, je veux dire, si on interprète leur truc, en fait, je me demande comment des gens qui se sont donné le droit de dire une chose pareille, quoi. En même temps, c'est quelque chose qui résume un état d'esprit où j'ai vécu, où beaucoup de gens ont vécu, où l'ensemble des gens qui se réclament de l'anarchisme et qui se réclament des idées révolutionnaires vivent, qui est l'idée que nous sommes de gauche, être de gauche c'est bien, être de droite c'est mal. Et donc, face à toute question qui se pose, se demander est-ce que quel est le point de vue de gauche? On va, sur toute question nouvelle, qui ne se posait pas auparavant, quel est le point de vue de gauche? Quel est le point de vue de gauche, par exemple, sur, je ne sais pas, la construction du TGV Lyon-Turin, sur, je ne sais pas, sur n'importe quoi, est-ce que les centrales nucléaires, c'est de gauche ou de droite, peut-être pour ou contre les centrales nucléaires? C'est en ces termes-là qu'on posait la question, qui est un symptôme aussi du fait que le point de vue révolutionnaire a voulu bannir l'idée d'éthique et que au lieu de se poser la question est-ce qu'il est bien ou mal d'être pour ou contre les centrales nucléaires, on se pose la question de est-ce qu'il est de gauche, est-ce que nous sommes dans le camp de la gauche, est-ce que notre camp est celui à la fin ça finit par ressembler à une espèce de nationalisme, on est est-ce que notre camp intègre cette idée ou est-ce que cette idée est une idée du camp en face? Je pense, j'arriverai peut-être à développer cette idée-là, que moi j'ai envie de faire disparaître l'idée de gauche. Alors bon, ça me pose un peu un problème parce que classiquement, les gens qui disent qu'il faut dépasser l'idée de l'opposition gauche-droite, c'est des gens qui sont de droite, quoi. C'est des gens qui ne cherchent pas à dépasser l'idée de droite, mais qui cherchent à qui ne cherchent pas à dépasser l'opposition droite-gauche, mais qui cherchent simplement à pouvoir retomber sur les idées de droite et faire disparaître et abolir toutes les aspirations qui étaient dans la constellation des idées de gauche, en disant on est contre l'opposition gauche-droite, donc on fait disparaître les bases théoriques de cette opposition, et donc on retombe sur les théories banale de droite dominante d'une certaine façon dans la société. J'ai pas envie de retomber dans l'apolitisme de droite, mais par contre l'idée de gauche, ça me paraît quelque chose à terme qui n'est pas soutenable comme concept. Qui n'est pas soutenable pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où on prend un point de vue éthique sur le monde, et bon, je sais pas si j'ai fait la transparence sur l'éthique, mais je pense que la définition même de l'éthique, quand je parle d'éthique, c'est pas simplement un truc qui serait... Enfin bon, souvent, quand on parle d'éthique, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Alors bon, évidemment, il y a tous les trucs du style morale sexuelle, des choses comme ça, par rapport à qui ont été diffusées par les églises. Mais aussi, il y a l'idée que ce serait de l'ordre de l'exhortation des gens à être gentils ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai une conception un peu différente de l'éthique, qui est que à partir du moment où on a une proposition prescriptive de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, et pas simplement qu'on cherche à décrire le monde, mais qu'on cherche aussi à le changer, qu'on cherche à dire quelles sont les choses que nous devons faire, c'est de l'ordre de l'éthique. Quand on cherche à nous demander, quand on se demande qu'est-ce que nous devons faire, nous demandons qu'est-ce qu'il est bien de faire. Nous cherchons à distinguer le bien du mal. Il est mal de faire ceci, il est mal d'être raciste, ou il est bien d'être raciste, il est mal d'être antiraciste, ou il est bien d'être antiraciste. Nous cherchons à distinguer le bien du mal, nous cherchons à distinguer les choses que nous voulons faire, que nous estimons juste de faire, des choses que nous estimons que nous ne devons pas faire. Donc nous avons une notion de bien et de mal. Si nous avons une notion de gauche et de droite qui... et que sur chaque question, nous nous demandons est-ce que c'est de gauche ou de droite, et que cette demande, cette question, c'est celle qui doit déterminer notre position, c'est-à-dire si nous disons nous sommes 100% de gauche, et que sur chaque question, nous nous demandons qu'est-ce qui est de gauche ou de droite, disons, cette question-là, elle se substitue à la question de bien et de mal. Si nous acceptons l'éthique, nous avons déjà une notion de bien et de mal, nous ne voyons pas pourquoi nous le substituerions par une notion de gauche et de droite. Donc la notion de gauche et de droite est soit inutile parce qu'elle est synonyme de bien, soit elle se substitue à l'éthique, c'est-à-dire on dit nous abolissons l'éthique et nous nous demandons simplement qu'est-ce qui est de gauche ou de droite, mais dans ce cas je peux demander pourquoi serions-nous de gauche, pourquoi est-ce qu'il serait bien d'être de gauche, et on retombe sur le même problème. Et si la seule réponse c'est moi je suis de gauche parce que je suis né comme ça, ça devient simplement quelque chose de l'ordre du nationalisme, du sens nationalisme de l'équipe de foot. Moi je suis de Saint-Étienne, donc je suis pour l'équipe de foot de Saint-Étienne, toi tu es de telle autre équipe de foot, t'es l'équipe de foot en face, et on va se taper dessus parce que c'est notre nature d'être dans des équipes de foot différentes. Donc ça c'est quelque chose que j'estime absurde aussi, et je pense que l'idée de garder l'idée de gauche à côté de l'idée et de bien et de mal, je pense que c'est quelque chose qui est lié à une perspective historique marxiste, et qu'à partir du moment où on analyse cette perspective historique marxiste, et soit qu'on la critique et qu'on abolit un certain nombre de ses points de vue fondamentaux, soit qu'on arrive à réintégrer l'idée d'éthique dans la perspective historique marxiste, et bien dans ce cas-là, je veux dire, l'idée de gauche ne peut plus jouer le rôle où elle joue aujourd'hui, et qu'à terme, c'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser. Alors, donc ici, je fais de transparence et sur des choses... J'ai pas sauté quelque chose, non. Bon. Donc, ce dont je vous avais déjà parlé... Non, enfin, c'est un peu le... Je m'excuse si c'est un peu décousu, mais... Voilà, l'idée la question que je posais avant, c'est est-ce qu'il suffit de rajouter la question du spécisme à la liste des oppositions gauche-droite? Voilà, c'est... Ça dépend de deux choses. Ça dépend, premièrement, est-ce que le point de vue révolutionnaire sur le monde, qu'on appelle révolutionnaire en général, marxiste, est-ce que ce schéma conceptuel est juste ou n'est pas juste? C'est-à-dire que il ne faut pas poser simplement la question est-ce qu'il nous est utile, opportun d'adopter telle ou telle position. Moi, c'est quelque chose qui, souvent, les discussions se passent en ces termes-là. C'est quelque chose que moi, je rejette absolument. C'est-à-dire de nous poser d'abord la question de savoir est-ce que telle ou telle position politique nous est utile. On nous dit souvent « Ah, dire ce que vous dites, c'est dangereux. » Par exemple, si nous disons... Bon, un truc classique, c'est les positions de Peter Singer et les positions qu'adoptent beaucoup d'antispécistes par rapport à la question de l'euthanasie humaine. C'est-à-dire que, bon, dans certains cas, il peut être juste d'euthanasier des enfants gravement handicapés à la naissance, ou dans d'autres cas, pratiquer l'euthanasie d'une façon qui peut être juste d'euthanasier des chiens, des chats. Si dans certains cas, Singer était beaucoup attaqué par rapport à ça, et souvent dans les discussions par rapport à cette question-là, on nous dit « mais c'est dangereux parce que ça va permettre d'euthanasier aussi dans d'autres cas, de se débarrasser des humains simplement parce qu'ils ne sont pas, productifs ». Où souvent on nous dit « à votre discours, c'est un discours du système capitaliste qui cherche à pouvoir se débarrasser des travailleurs non productifs, etc. » et d'opprimer. Je veux dire que par rapport à n'importe quelle question, il y a une question d'honnêteté, de fond, et ça c'est quelque chose qui souvent, je trouve, a été perdu dans ces mouvements révolutionnaires, dans ce discours et les raisonnements révolutionnaires, qui est de se demander « mais est-ce que ce que je suis en train de dire est vrai ou pas vrai ?» est-ce que, avant de se demander s'il est opportun de le dire, avant de se demander si ça sera mobilisateur pour les masses de le dire, avant de se demander est-ce que ça va marcher comme slogan révolutionnaire pour les choses. Je veux dire, bon, peut-être après on peut se dire il y a des mensonges qu'on est obligé de dire parce que dire la vérité sera trop coûteuse. Je veux pas dire qu'on doit toujours dire la vérité de façon absolue, mais je veux dire que j'ai l'impression qu'on a souvent perdu la question de vérité complètement comme critère. Et je pense que j'ai envie de d'abord interroger, savoir si ce concept révolutionnaire sous-jacent est valable ou n'est pas valable. Et ensuite, se demander seulement est-ce que l'antispécisme peut prendre place dans ce schéma. On a vu que les révolutionnaires souvent rejettent l'antispécisme, et je pense qu'ils le rejettent à juste titre, dans le sens que le schéma qu'ils ont est un schéma qui ne peut pas intégrer l'antispécisme d'une certaine façon. Le schéma révolutionnaire, l'antispécisme ne peut pas s'intégrer au schéma révolutionnaire sans être mutilé, parce que l'antispécisme apporte des choses qui dépassent ce schéma révolutionnaire et que les révolutionnaires n'ont pas envie de voir par rapport à ça. Et par ailleurs, je pense que ce concept révolutionnaire sous-jacent, il n'est pas lui-même défendable. Alors, bon, ici, voilà, je dis des choses que j'ai déjà mentionnées avant. Les raisons pour lesquelles l'antispécisme devrait s'intégrer dans cette constellation des idées classiquement appelées idées de gauche, donc le fait que les humains sont des opprimés, comme sont opprimés, les non-humains sont opprimés comme sont opprimés des humains, donc la trilogie racisme, sexisme, spécisme, que l'antispécisme, ce que je vous avais dit au début, se préoccupe des animaux parce qu'ils sont sensibles. Les humains sont des êtres sensibles, donc l'antispécisme, au moins dans sa, par principe, ne peut pas être indifférent envers les oppressions dont sont victimes les humains. Et le fait que l'antispécisme est révolutionnaire dans un sens, disons, banal, qui est le fait d'apporter un changement profond, et j'ai l'impression que d'une certaine façon, parce que l'antispécisme a une certaine caractéristique de ce qu'on appelle, une des caractéristiques de ce qu'on appelle le fait d'être révolutionnaire, un peu par effet un peu magnétique, on se retrouve à vouloir adopter l'ensemble des idées révolutionnaires et adopter tout naturellement un ensemble d'idées qui sont déjà en place, qui sont les idées révolutionnaires de gauche, et aussi à chercher à mobiliser les milieux révolutionnaires de gauche. Alors, ça, ce sont de bonnes raisons d'une certaine façon, mais ce que j'argumente, que j'essaye d'argumenter, c'est que ça ne nous oblige pas à adopter de façon globale et non critique l'ensemble de ce paquet cadeau des idées révolutionnaires, et que puisque l'antispécisme c'est quelque chose de plus global que ce concept révolutionnaire à un certain niveau, ça implique de revoir de manière critique ces conceptions révolutionnaires. Alors donc, un peu là, je répète ce que je disais avant, donc les conceptions révolutionnaires sont-ils valables en eux-mêmes? Est-ce que ça n'implique pas de mutiler l'antispécisme que d'essayer de le faire rentrer dans le schéma révolutionnaire? Et aussi le fait que la gauche, de fait, ne se précipite pas pour intégrer l'antispécisme, voire est extrêmement hostile souvent à l'antispécisme, que souvent les questions par rapport aux animaux ont été acceptées par des personnes qui au départ ne sont pas des personnes classées comme étant à gauche, ne se préoccupent pas pour les oppressions humaines, voire souvent de fait on constate souvent sont racistes. Je veux dire, il y a des gens, quand je vais sur le terrain et que je m'occupe des chats de rue, souvent je rencontre des gens qui clairement sont des antisémites, sont des gens qui votent de droite, etc., qui en même temps s'occupent, sont les seules personnes sur le terrain à s'occuper de ces chats qui sont des êtres sensibles dont la souffrance importe autant que la souffrance des humains. Donc je veux dire, il y a un problème là, il y a un problème de contradiction, et je n'ai ni envie de dire que l'antispécisme doit être apolitique et cesser de vouloir critiquer par exemple l'antisémitisme de ces personnes-là, ou accepter un niveau peut-être plus pratique, accepter de s'allier avec des partis de droite et dire, bon, si Le Pen, par exemple, a un discours contre la vivisection, nous devrions appeler à voter Le Pen ou des choses comme ça, ou des partis de droite, nous acceptons de négocier avec des partis de droite. Et je n'ai pas non plus envie de rejeter ces gens-là et de dire, par exemple, à la Veggie Pride, la question on se pose, est-ce qu'on doit accepter des gens de droite à la Veggie Pride ? Bon, je dis oui, si des gens de droite viennent à la Veggie Pride, des gens qui ont refusé de manger des animaux, pour les animaux, ces gens-là ont fait un pas très important, on doit les accepter à la Veggie Pride. Donc il y a une position qu'il faut arriver à avoir là-dessus, mais en tout cas je considère que l'idée qu'il faille essayer d'aller seulement vers les mouvements révolutionnaires, c'est quelque chose qui est perdu d'avance, parce que ces mouvements révolutionnaires nous rejettent. Et ce que je défends, c'est que pour être concerné par les oppressions humaines, il n'y a pas besoin d'accepter les idées préétablies des personnes qui s'occupent des oppressions humaines aujourd'hui. Il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé de se couler dans ces moules conceptuel et de manière réciproque, hein, c'est la même proposition mais dite d'une autre manière, le fait qu'on refuse de se couler dans ce moule conceptuel révolutionnaire n'implique pas qu'on doit cesser d'être concerné par les oppressions humaines. Et là, d'une certaine façon, c'est une autocritique que je fais, c'est-à-dire que jusqu'à présent, par défaut, d'une certaine façon, on n'a jamais accepté de prendre une position, disons, on a de fait laissé tomber comme étant miné le terrain des oppressions humaines. Les antispécistes n'ont pas pris position par rapport, par exemple, à la question de la guerre au Proche-Orient, comme étant une question humaine sur laquelle les antispécistes n'ont pas de point de vue spécifique. Je pense que même si sur ces questions-là, les antispécistes ne sont pas obligés d'avoir tous le même point de vue, par exemple sur la guerre actuelle entre Israël et le Liban, on n'est pas tous à avoir le même point de vue, mais je pense que l'antispécisme, la logique antispéciste peut amener à avoir un point de vue, et un point de vue d'une part de dire que ce sont des êtres sensibles qui sont de part et d'autre de la frontière, autant en Israël qu'au Liban, autant les humains que les poulets qui sont dans les élevages de poulets qui ont été bombardés exprès par l'armée israélienne et qu'on ne compte pas en tant que victimes de civils de la guerre, qui ont été bombardés exprès parce que ce sont des élevages de poulets pour du Hezbollah. On a un point de vue à porter là-dessus. Et au-delà du simple rappel du fait que des deux côtés, ce sont des êtres sensibles qui souffrent, je pense qu'on a un point de vue spécifiquement antispéciste qui découle du fait que l'antispécisme, à mon avis, ne peut pas accepter la haine. Ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi est très fort et qui est validé par l'antispécisme, c'est le refus de la haine révolutionnaire. Je pense que le mouvement révolutionnaire s'est beaucoup bâti sur la dénonciation. Alors, on peut dire que dans les bases théoriques du marxisme, il n'y a pas cette haine, mais dans la pratique réelle, je veux dire que les révolutionnaires, autant le discours marxiste que anarchiste, que le discours de fait de ces mouvements révolutionnaires est devenu un mouvement de dénonciation, et de dénonciation souvent basée sur une haine du parti d'en face. Et je crois que dans certains conflits, en particulier au niveau Israël-Palestine, Israël-Liban en ce moment, je crois que l'antispécisme, dans le rappel que des deux côtés ce sont des êtres sensibles et que des deux côtés on doit arriver à dépasser la haine, a beaucoup à apporter à ce niveau-là. Et je pense aussi à un niveau de non-violence. Enfin, moi je ne suis pas tout à fait sur les bases non violentes, mais un certain point de vue non violent aussi doit doit pouvoir apporter des points de vue là-dedans et aussi au niveau de l'éthique. Voilà. Donc j'essaye de continuer un peu de manière structurée. Ici, un certain nombre de critiques que je fais à cette galaxie d'idées que je mets dans ce que j'appelle le point de vue révolutionnaire. D'abord, le refus de l'éthique. C'est quelque chose qui a été, dans ma pratique parmi les révolutionnaires, qui a été extrêmement présent. J'ai dû me battre pendant des années et des années pour dire, moi, je me bats contre le racisme. Pas pour, parce que j'estimerais que le monde sans racisme serait un monde qui, égoïstement, serait plus agréable pour moi. Je veux dire, un monde sans racisme n'est pas forcément plus agréable pour moi. Le monde qui serait plus agréable pour moi, ce serait peut-être que je me fiche complètement des oppressions des victimes du racisme et que je m'occupe de ma vie personnelle qui pourrait avoir des choses intéressantes aussi. Je veux dire, c'est pas ma motivation et je pense que ce n'est pas la motivation de la plupart des gens qui se battent contre le racisme. Mais chaque fois que je voulais le dire, on me disait non, parler d'éthique, c'est un point de vue curton. On me disait c'est curton. Curton, c'est, on peut dire curé, c'est le mot qui est utilisé de mépris pour les curés, pour les religieux. Il y a eu un mouvement assez fort au 19e siècle de refus du christianisme et de refus de toute morale avec ça. Outre Marx, on peut citer Nietzsche. Bon, je suis assez ignare sur les théories de Nietzsche, mais qui est, il faut dépasser le christianisme, il faut dépasser le point de vue éthique, le point de vue altruiste. L'altruisme n'existe pas, aussi avec une prétention de le baser sur le matérialisme où chaque être vivant s'occuperait uniquement de ses propres intérêts, avec une interprétation fausse aussi du darwinisme, que ça serait en réalité le monde serait une lutte de chacun contre chacun, interprétation qui n'est pas du vrai darwinisme du tout, avec une interprétation vraie ou fausse du marxisme, mais qui est extrêmement présente aussi, avec l'idée que dans cette société future communiste, il n'y aura pas besoin de faire appel à l'éthique, mais que les contradictions entre ce qu'on appelle les contradictions de la société et l'individu, à mon avis, c'est une fausse façon de poser le problème, mais on disait que ces contradictions seront résolues d'elles-mêmes et chaque individu travaillera pour la société de manière spontanée, sans être obligé de le faire par des idées de morale ou des choses comme ça. Donc le point de vue marxiste prétend refuser l'éthique. Un deuxième point sur le point de vue marxiste, à mon avis, qui est assez présent en arrière-plan, c'est l'idée que finalement tous les problèmes seront résolus d'un coup. C'est l'idée d'unicité du mal, qui est liée aussi à l'idée de révolution en soi, c'est-à-dire on fait la révolution et tout est résolu d'un coup. L'idée de radicalité, quand on parle de radicalité, on dit d'arracher le mal à la racine. Je suppose qu'il y ait une racine du mal et qu'il n'y en ait pas 36 000. C'est l'opposition entre l'idée qu'on résout seulement les symptômes. Quand on a une maladie, on peut avoir 50 symptômes de la maladie. On va prendre de l'aspirine contre le mal de tête, mais un autre symptôme de la maladie, c'est qu'on a mal aux pieds. On mettra un emplâtre sur les pieds, etc. Qu'on sera tout le temps en train d'essayer de résoudre chacun des symptômes individuellement. Et que non, le point de vue radical, c'est de résoudre tout d'un seul coup en arrachant la racine du mal. Donc cette idée d'unicité du mal, qui à mon avis est aussi une idée fausse, ou qui peut-être vraie, mais à un autre niveau qui n'implique pas l'illusion de pouvoir tout résoudre d'un coup. Ce que j'appelle le naturalisme et l'idéalisme de ce point de vue révolutionnaire, bon là je ne vais pas avoir le temps de développer, je vais sauter ce truc-là, mais paradoxalement je pense que le marxisme qui se veut quelque chose de matérialiste, petit à petit, est allé vers quelque chose qui est de l'ordre de la négation de la réalité matérielle, avec l'idée que tout est social, que seuls comptent les relations sociales, les relations entre les choses, et que toute réalité est construite. Alors bon, c'est peut-être pas tout à fait dans le marxisme, mais je pense que c'est quelque chose qui est largement inspiré du marxisme et dont les graines, dont les origines sont quand même dans le marxisme, et aussi une certaine vision de l'antinaturalisme révolutionnaire qui, à mon avis, est un naturalisme. Par exemple, avec l'opposition entre l'inné et l'acquis. Bon, un dernier point, qui est le fait que cette révolution que les marxistes prévoyaient pour être, comme étant quelque chose relativement à court terme, ben, elle tarde, et que aujourd'hui, je veux dire, le problème, c'est que c'est une situation objective. Je veux dire que la théorie qui est sous-jacente soit juste ou fausse, soit belle ou soit pas belle ou quoi que ce soit, il y a des conséquences objectives au fait qu'une espérance tarde. Quand on fait espérer quelque chose aux gens, et surtout quand c'est quelque chose d'extrêmement fort comme ça, et que cette espérance tarde autant, eh ben, il y a des effets secondaires, et des effets secondaires qui peuvent être extrêmement brutaux, à mon avis. Et à mon avis, un autre exemple historique de ça, à mon avis, c'est le christianisme. Le christianisme était une très grande espérance. On espérait la fin des temps, le retour du Christ et le paradis réel. À court terme, aux origines du christianisme, on l'espérait pour quelques dizaines d'années maximum. Et bien, à force des choses, je pense que le résultat de ça, ça a été l'inquisition, ça a été l'antisémitisme, ça a été toutes les persécutions, ça a été ça a été Hitler, ça a été l'Holocauste. Mais comme effet mécanique, que d'une certaine façon, les gens ne voulaient pas être méchants, les gens ne voulaient pas être amenés à faire des persécutions, à faire des bûchers et tout ça, mais comme effet mécanique et historique du processus, une si grande espérance déçue de façon avec une telle répétition, ça fait que on cherche les coupables, comment ça se fait que ça n'a pas marché, et on finit par se rabattre sur la recherche des coupables, sur vouloir expurger le monde des méchants, alors qu'au début on voulait construire un monde meilleur, à la fin on ne comprend plus comment construire le monde meilleur, et on cherche plutôt à purifier le monde des méchants qui empêchent que ce monde meilleur arrive. Et si on regarde le discours révolutionnaire aujourd'hui, bah de fait il est devenu presque purement dénonciateur. D'une certaine façon, il est devenu presque purement réactionnaire. On réagit contre Bush qui fait la guerre en Irak. Quel discours positif on a par rapport à ça? On n'a pas grand-chose, quoi. Mais on dénonce Bush, on dénonce l'Amérique, on dénonce on dénonce la police, on dénonce une société toujours plus policée, on dénonce. Si on va sur les sites, moi je vais souvent sur IndyMedia. IndyMedia, c'est une espèce de... C'est là peut-être qu'on voit le pire, peut-être, des révolutionnaires. Mais je pense que c'est significatif, quoi. Je pense que toute théorie est aussi responsable de ces effets, y compris de ces effets les pires, de ce que ça fait dans le monde réel, de ce qui en reste dans l'esprit des gens. Je ne dis pas que le marxisme est à jeter à la poubelle seulement parce que les gens d'IndyMedia disent des choses complètement stupides et débiles, mais je dis que c'est un problème que le marxisme doit aussi assumer. On ne peut pas simplement dire c'est pas nous, je veux dire, de la même façon que le christianisme devrait regarder en face ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, devrait regarder en face Torquemada et l'Holocauste. Alors je détaille un peu chacun de ces points, je ne vais pas les détailler beaucoup parce que vraiment je tarde beaucoup. Le refus de l'éthique, une citation de Marx et Engels, selon laquelle le marxisme se voudrait une théorie purement descriptive. C'est-à-dire à l'opposition des socialistes utopistes qui disaient « nous voulons construire le socialisme, nous allons décrire comment le monde doit être et nous allons maintenant ensuite exhorter les gens à accepter ce monde », Marx et Engels prétendaient faire une théorie de l'évolution historique et de montrer qu'après le mode de production féodal est venu le capitalisme, qui était un mode de production révolutionnaire à sa façon, qui a révolutionné la production et qui a apporté un progrès. Après, de façon automatique, par le développement des contradictions internes du capitalisme, arrivera, donc sur un mode descriptif, arrivera la révolution communiste et arrivera le communisme. Donc le communisme n'est pas un état qui doit être créé, n'est pas un idéal sur lequel la réalité devra se régler, qui correspond à la nécessité d'exhorter les gens ou de faire la propagande pour que les gens adhèrent au communisme. Nous appelons le communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes, donc résultent mécaniquement de la chose. En même temps, on peut voir que Marx et Engels, d'une certaine façon, n'appliquaient pas leur propre point de vue purement descriptif. Quand ils disent les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de transformer. Quand on dit ce qui importe, c'est une phrase prescriptive, donc de l'ordre de l'éthique. On peut demander à Marx mais pourquoi ça importe de le transformer. On peut aller se coucher d'une part, on peut aller se coucher parce que ça arrivera, ça se transformera tout seul, puisque dans sa première phrase au-dessus, il dit c'est le mouvement réel qui résulte des conditions historiques de production. Pourquoi importe-t-il de le transformer? Il n'y a pas besoin de le transformer. Et puis aussi, on peut lui dire, on peut aller se coucher, parce que pourquoi devrions-nous le transformer? Devoir, c'est une proposition éthique. Si on n'a pas de notion et de mal qui soit au-delà des... qui existent indépendamment des conditions historiques réelles, des critères de bien et de mal qui se basent sur une analyse, disons, transhistorique des choses, on n'a pas de raison de vouloir transformer le monde. Et à mon avis, de fait, les révolutionnaires, et là c'est une phrase prise sur Indy Media, puisque les révolutionnaires bannissent toute référence explicite à l'éthique et ne cherchent et considèrent et déconsidèrent la... l'étude réelle, l'étude systématique de l'éthique, et disent que ça, ce ne sont que des rêves de philosophes bourgeois qui essayent de faire des choses déconnectées de la réalité, eh bien, ils ont une éthique quand même, parce qu'à mon avis, on ne peut pas exister sans éthique. Toute question de se demander que faire, c'est une question éthique. Mais leur éthique, au lieu de se baser sur une réflexion systématique, une réflexion rationnelle, elle retombe en fait sur un appel à l'éthique dominante, qui à mon avis finit par être une éthique purement réactionnaire en fait, réactionnelle au sens que ce n'est que de l'ordre de la dénonciation, et réactionnaire parce que on se refuse à toute remise en cause de cette éthique. On refuse à tout progrès, en particulier il refuse les réflexions antispécistes par rapport à ça. Et donc cette phrase que je trouve caricaturale, le gouvernement colonial et raciste des Houdon Mer, donc du premier ministre israélien, s'attaque délibérément et en toute impunité aux populations et aux infrastructures civiles. Si on n'accepte pas un point de vue éthique, moi je peux dire, mais d'accord, bon ben tu décris ça, mais pourquoi ça serait mal d'être colonial et raciste? Pourquoi ça serait mal de s'attaquer délibérément aux populations civiles? Pourquoi, oui, c'est en toute impunité, c'est vrai, ils ne sont pas punis. Bon, ils ne sont pas punis, mais pourquoi devraient-ils être punis? C'est-à-dire, ici, implicitement, on a l'idée que c'est mal. Il y a une dénonciation très forte, il y a une dénonciation que je trouve sur un ton haineux de ce qui se passe. Mais les références sont des références purement... on s'appuie sur... les idées que les gens ont dans la tête au départ, que c'est mal d'être raciste, etc., et sans jamais chercher à les... en refusant de les... de les analyser. Et donc, le discours d'aujourd'hui, il est rempli de ce genre de phrases, sans jamais aller plus loin, et voilà. L'idée d'unicité du mal, donc je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'arracher le mal à la racine, donc il y aurait une racine du mal. Personnellement, je pense aussi qu'il faut arriver à refuser peut-être la notion de radicalité, en tout cas la notion de radicalité telle qu'elle est, telle qu'on peut l'interpréter de façon littérale, c'est-à-dire l'idée d'arracher le mal à la racine. Bon, j'ai noté l'idée de fausse polémique contre le conformisme. À mon avis, vouloir agrandir les cages n'est pas du tout incompatible avec l'idée de vouloir les supprimer. Je pense que là, d'une certaine façon, bon, je crois que je l'ai mentionné plus tard, mais je vais le dire ici, qu'il y a un raisonnement que je trouve manipulateur dans le point de vue manipulateur et démagogique dans le point de vue révolutionnaire, qui est qu'il ne faut pas, par exemple, améliorer la condition ouvrière. Que toute amélioration de la condition ouvrière, pendant longtemps, il y a eu une résistance à l'amélioration de la condition ouvrière par le fait que on dit si on améliore la condition ouvrière, les ouvriers seront finalement bien, seront pas trop mal, ils ne feront pas la révolution. Il y a une espèce de panique révolutionnaire par rapport à ça. C'est tant que les ouvriers sont opprimés d'une manière presque insupportable, tant qu'ils n'ont que leur chaîne à perdre, je crois que c'est un truc dans l'international, nous n'avons que nos chaînes à non commencer. Non, c'est une phrase de Marx. C'est une phrase de Marx, les ouvriers n'ont que leur chaîne à perdre, donc bon, puisqu'ils n'ont que leur chaîne à perdre, il n'y a rien qui les empêche de faire la révolution, je veux dire. Alors que si les ouvriers, en plus de leur chaîne, ils ont leur télé à perdre, ils ont leur congé payé à perdre, etc., ils hésiteront plus à faire la révolution. Donc, avec l'idée qu'il faut les maintenir, bon, c'est rarement dit de façon aussi cynique. C'est pas que les gens en veuillent cyniquement que les ouvriers souffrent, mais on a un peu peur que si on agrandit les cages, finalement, on n'aura plus besoin de faire la révolution. Une personne à Paris, j'ai entendu une personne antispéciste qui disait le seul espoir peut-être finalement qu'on a, c'est que les choses deviennent de pire en pire par rapport aux animaux, que l'exploitation animale devienne tellement insupportable que les gens finiront par se révolter contre ça et abolir l'exploitation animale. Personnellement, je pense, outre le fait que dans le fait ça implique de tabler sur une souffrance vraiment énorme et encore plus insupportable que celle qu'elle est aujourd'hui, payée par qui ? Par les plus langages, pas par nous finalement. Je pense que c'est un point de vue faux. Je veux dire, dans la pratique, c'est faux, quoi. Je veux dire, les humains sont capables de supporter n'importe quel degré de souffrance, surtout quand elle est payée par les poules. De la même façon que ils sont même capables de supporter n'importe quel degré de souffrance, y compris payé par eux-mêmes, et sans se révolter. Je dirais même que plus les humains souffrent, plus ils sont incapables de se révolter. Et que donc, le fait d'élargir les cages, à mon avis, c'est une fausse polémique par rapport au fait de les vider. Le naturalisme et l'idéalisme, bon, si là j'ai fait un petit mot là-dessus, c'est une citation d'un certain Jacques Weinstein, qui fait l'honneur de me citer moi-même, dans une revue de temps critique, donc une revue marxiste, anarchiste, je ne sais pas exactement comment ça se positionne, mais en tout cas, ultra-gauche, enfin bon, ce genre de choses, contre l'antispécisme, qui disait pour nous, s'il y a une valeur inhérente aux êtres humains, aux êtres vivants humains, c'est parce qu'ils n'existent pas seulement comme manifestation de la vie, ils n'existent que dans leurs rapports sociaux qui confèrent justement à une certaine période historique ce caractère de valeur. Là, on a déjà une première malhonnêteté de la part de ce monsieur révolutionnaire, c'est qu'il est très clair, les antispécistes disent toujours très clairement que nous ne nous préoccupons pas du fait que les êtres soient vivants, mais du fait qu'ils soient sensibles. Jacques Weinstein fait l'impasse là-dessus et essaye de nous mettre dans la catégorie des gens qui seraient écologistes ou quelque chose comme ça, manifestation de la vie, pour ne pas répondre à la critique antispéciste par rapport à ça. Et pour répondre que la seule chose qui importe finalement, c'est C'est-à-dire que l'éthique n'existe pas, grosso modo, il est en train de dire que l'éthique n'existe pas en elle-même, que l'éthique n'existe que comme production de certains rapports sociaux. C'est-à-dire ce qu'il appelle la valeur est quelque chose qui est donné seulement par des rapports sociaux, donc implicitement seulement par des êtres humains vis-à-vis d'êtres humains. Donc évidemment, les humains ne peuvent pas donner une valeur à des non-humains. On ne peut pas non plus faire une éthique qui soit transhistorique, c'est-à-dire qui soit au-delà des développements historiques. On ne peut pas dire, par exemple, qu'il était mal pour un dinosaure de manger un autre dinosaure, ou que ça posait un problème éthique. Et qui dénie à l'éthique une existence objective, qui dénie l'idée qu'il soit objectivement mal, que quelque chose soit objectivement mal. Et surtout, ce que je veux dire ici, c'est que le Weinstein, il se scandalise dans des termes qui sont extrêmement proches de ce que j'ai lu sous la plume d'autres gens qui sont proches de, que moi je placerais proches de l'extrême droite, comme Paul Ariès ou d'autres gens comme ça. Il se scandalise d'une phrase que j'ai dite qui est que quand on envisage un être matériel, on l'envisage d'abord comme objet. Et je pense que c'est vrai que les êtres humains sont des êtres matériels, et que quand j'envisage l'un de vous, je vous envisage comme être matériel, et que c'est en tant qu'être matériel que je me pose la question: est-ce que vous êtes un être matériel sensible ou non sensible? Je me pose la question pour vous, la question elle est vite résolue pour vous, elle sera peut-être pas vite résolue pour tous les êtres humains à certains moments. Si je suis face à un être humain qui a eu un accident de voiture et qui est en coma profond, je me poserai la question de savoir si cet objet que j'ai face à moi est un objet sensible ou pas. C'est ça qui m'importe. Face aux animaux, c'est une question que je me pose tout le temps. Est-ce que cet insecte est un insecte, est un être sensible? Mais que je veux dire que nous sommes d'abord des êtres matériels. Et ici, le fait que je dise que nous sommes d'abord des objets, c'est quelque chose qui est insupportable pour Weinstein. Il veut d'abord que nous soyons des êtres placés dans un rapport social. Et donc ça, c'est... Jacques Weinstein, il refuse toute idée d'unicité du monde. Il considère le monde comme d'abord divisé entre cailloux et humains. Pour lui, c'est la division fondamentale que nous a mis dans la tête le christianisme, que nous met dans la tête l'humanisme, que nous met dans la tête le marxisme, ou en tout cas les révolutionnaires d'aujourd'hui, en tout cas Jacques Weinstein et les gens de temps critique, parce que personne n'a protesté contre cette vision des choses dans les temps critiques et parmi les révolutionnaires qui sont avec lui, de division du monde entre les cailloux et les humains. Les animaux sont du côté des cailloux, et ça c'est quelque chose qui est très classique et qui est absolument pas remis en cause par les révolutionnaires, et que moi je considère comme une forme de naturalisme. On dit la nature a ses droits de certains côtés, personne ne posera, ne se scandalisera du fait qu'on puisse parler de race de chiens, mais quand nous on dit, par exemple quand les antispécistes disent les êtres humains importent, leurs intérêts importent, quelle que soit leur race, on nous a souvent répondu: ah mais vous ne pouvez pas dire ça parce que les races humaines n'existent pas. Personnellement, je ne sais pas si les races humaines existent ou pas. Je ne vois pas pourquoi les races humaines n'existeraient pas si la race de chien n'existe pas. Mais je pense que la question n'a aucune importance politique, ou très peu d'importance politique, de savoir si les races humaines existent ou pas. Pourtant, tout le mouvement antiraciste qui a été développé dans le cadre de la vision de gauche révolutionnaire a voulu absolument dire que les races humaines n'existent pas. Et à mon avis, c'est la trace, c'est le symptôme du point de vue naturaliste dans ce système de pensée. Une autre trace, c'est quelque chose qu'on a eu récemment sur une liste qui s'appelle Contre Nature, de quelqu'un qui a dit, en reprenant un peu une thématique marxiste, qui était qu'il ne faut pas dire, par exemple, qu'il y a un problème démographique mondial, qu'il n'y a aucune limite. Comme s'il n'y avait aucune limite au développement humain, comme si le seul problème qui se pose à l'être humain, ce sont des problèmes de rapports sociaux. c'était le point de vue de la Chine pendant très très longtemps, de dire on refuse absolument toute régulation des naissances, qui sont revenus depuis de façon très radicale depuis. Aujourd'hui, ils font une régulation des naissances très très forte, mais pendant très longtemps, ils refusaient ça en disant c'est un discours bourgeois que de dire qu'il y a une limite intrinsèque et naturelle au, à la, au développement humain, que si on change les rapports de production, nous n'avons plus aucune contrainte matérielle. C'est une sorte de négation des contraintes matérielles pour les êtres humains. C'est une position, la fin, qui paraît comme délirante, je dirais, mais qui est encore aujourd'hui mise en avant par des personnes qui se réclament de cette vision-là. Bon, ici, le fait que la révolution tarde, donc ce que je vous avais dit, qu'à mon avis, ça, l'impatience par rapport à la révolution implique le droit à la démagogie, c'est-à-dire on se dit c'est pas très grave de manipuler les ouvriers. Après la révolution, ils verront la lumière, ils comprendront tout, on pourra leur expliquer qu'on les a manipulés. Il y avait un slogan à une certaine époque où on disait il faut pas désespérer Billancourt. Billancourt, c'était une usine, c'est chez toi ? C'est l'usine à côté de Paris où on fabriquait les voitures. C'était un peu l'image la plus classique des ouvriers, de la classe ouvrière. Et que si on disait la vérité sur l'Union soviétique, sur le fait que l'Union soviétique, c'était des massacres de masse, c'était quelque chose de beaucoup moins beau que l'image qu'en donnait, que l'Union soviétique voulait en donner à l'époque du stalinisme, on allait désespérer Billancourt, et donc le Parti communiste se permettait des mensonges, mais je veux dire des mensonges qui étaient de l'ordre de ce qu'on avait rarement vu auparavant dans l'histoire. Je veux dire, les mensonges de la Pravda, Pravda qui, je crois, un mot qui veut dire vérité en russe, c'était du délire total. Je veux dire, c'est sur ce modèle-là, plus que sur le modèle hitlérien, que George Orwell a écrit 1984 avec l'idée du mensonge porté à son plus haut point. Et par ailleurs, le fait que la révolution tarde, ce que je vous disais, le caractère purement dénonciateur du discours révolutionnaire et non progressiste. On pourrait dire aussi, ajouter aux effets secondaires de ça, je veux dire, la tendance à division en sectes. Je veux dire, à une époque, les révolutionnaires, à l'époque de mai 68, je veux dire, il y avait les maoïstes, il y avait les trotskistes. Parmi les maoïstes, il y avait 15 partis différents maoïstes qui se bouffaient le nez aussi. Un peu, enfin, toute l'histoire du mouvement révolutionnaire, ça a été non seulement des divisions, mais aussi des divisions avec dénonciation de l'autre, du parti en face, comme étant les alliés du diable, les alliés du... Ben, je veux dire, tout ça, c'est des réalités historiques, hein, d'une certaine façon. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui condamne absolument le marxisme en soi, mais je veux dire, c'est des choses, de façon que je trouve que le christianisme devrait assumer Torquemada et qu'il ne l'assume pas aujourd'hui. Peut-être arriver à l'assumer tout en restant christianisme. Je veux bien que le marxisme arrive à rester marxisme, mais devrait peut-être assumer les réalités historiques du marxisme. Aussi le fait que la révolution tarde, je ne veux pas dire, mais le marxisme se voulait descriptif, voulait dire, voulait être scientifique, mais il y a rarement eu dans l'histoire une théorie qui se voulait descriptive et prédictrice, qui a aussi mal réussi réellement à prédire les choses. Quoi. Je veux dire, les prédictions scientifiques faites par les marxistes, c'est pire que la météo, quoi. Je veux dire, au niveau du taux de réussite. C'est pas là non plus une condamnation absolue de la théorie. Je veux dire, la météo se base sur des bases scientifiques, mais il n'empêche que en tout cas, ça condamne la prétention marxiste à savoir vraiment, réellement prédire les choses, quoi. Bon, donc, à mon avis, il y a une critique vraiment de fond à faire là-dessus. J'ai dit que j'avais envie aussi de critiquer la notion de radicalité, j'avais envie de critiquer la notion d'être de gauche. Bon, là, quelques points peut-être un peu plus positifs pour terminer. J'ai envie de garder la notion de progressisme. Être pour le progrès, c'est pas seulement l'être comme le journal Le Progrès de Lyon, le journal régional de Lyon. Tout le monde peut dire oui, moi je suis pour que les choses aillent mieux. Être progressiste, c'est deux choses. C'est deux choses qui ne sont pas données d'avance. Premièrement, croire que ça peut aller que ça peut aller mieux. Quelqu'un peut être de très bonne volonté, mais en même temps ne pas être progressiste parce qu'on pense qu'il est impossible que ça aille mieux. Quoi. Je veux dire, c'est pas donné d'avance. On n'a aucune théorie absolue qui dit que le monde ira de mieux en mieux. L'antispécisme, je pense, dit au moins il y a une possibilité que le monde aille mieux, parce que si on regarde quand même, d'une part, je pense que les humains ont la possibilité d'agir de manière éthique, que les humains et aussi que les pardon, enfin qu'il y a une il y a un énorme problème, il y a une énorme quantité de souffrance. Il y a des humains dans l'histoire qui ont refusé de manger les animaux. Il y a des humains qui se sont préoccupés des autres humains, qui se sont préoccupés des autres animaux. Ça existe et qu'on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible à l'avenir de le généraliser. Aujourd'hui dans le monde va très mal, mais quand même aujourd'hui dans le monde, les gens se préoccupent. Ils ne se préoccupent pas assez, mais ils se préoccupent des Africains qui meurent du sida. Ils considèrent que ce n'est pas juste. Il y a des organismes internationaux qui disent que tous les humains ont droit à des soins médicaux, ont droit à une vie décente, ont droit à une vie qui vaille la peine d'être vécue. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas améliorer ça. Et au niveau matériel, il y a la possibilité de le faire. Il y a la possibilité d'arriver à faire les choses. L'antispécisme implique, pas de façon automatique et absolue, mais je pense que ça nous donne de bonnes raisons de penser que ça peut aller mieux. L'antispécisme accepte le point de vue éthique, et donc accepte de dire explicitement que nous voulons que ça aille mieux, y compris au-delà de notre propre vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire qu'on y arrivera au cours de notre propre vie et que nous-mêmes nous arriverons à jouir de ce mieux. Donc ça nous de le vouloir. Et j'ai envie de souligner que être progressiste, c'est implique une attitude éthique. Donc on doit pouvoir récupérer la légitimité de l'éthique, de la réflexion éthique, pas de façon angélique en disant nous devons simplement exhorter les gens à être bons ou des choses comme ça, mais de dire que le seul espoir pour que les choses aillent mieux se base centralement sur l'éthique, ce qui implique la possibilité de croire en une éthique transhistorique. C'est-à-dire de dire c'était pas bien que les Romains utilisent des esclaves, c'est pas bien aujourd'hui que les gens souffrent, c'est pas bien que les animaux souffrent, et on veut que ça aille plus loin. Alors, une chose que je voulais dire encore liée au truc avant, c'est que le progressisme, un des points négatifs du point de vue révolutionnaire, c'est l'idée que ça puisse arriver à court terme. Si on bannit l'éthique, on va dire chacun a envie que le meilleur des mondes, le paradis sur terre, arrive pour lui-même. Bon, malheureusement, ça fait plus d'un siècle qu'il n'arrive pas. Ça désespère les gens. Je pense que le mieux que je souhaite, par exemple, le premier gros pas qui sera l'abolition de la viande, je ne le verrai pas de mon vivant. Des pas qui suivent, je ne les verrai pas de mon vivant, c'est-à-dire se poser la question de la prédation. Le communisme entre humains, qui est quelque chose que je souhaite, c'est-à-dire pas forcément un communisme absolu, mais d'aller vers l'idée de chacun selon ses besoins, selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, je ne pense pas que je le verrai de mon vivant. La perspective révolutionnaire nous donne l'idée d'une fin de l'histoire. Ou en tout cas, que s'il n'y a pas une fin de l'histoire, les problèmes se poseront de façon très différente après et que nous n'avons pas à nous en préoccuper dès aujourd'hui, je pense que nous devons nous préoccuper, nous placer dans une perspective à long terme. C'est le seul moyen d'avancer, c'est de dire il y a des choses qui ne se feront que dans une perspective de 100 ans, 200 ans, 500 ans, 2000 ans, et que se préoccuper de ces choses est légitime. Quand on se place dans une perspective révolutionnaire, il est illégitime de se préoccuper, par exemple, de la question de la prédation. C'est illégitime parce que c'est clair qu'on ne résoudra pas ces problèmes-là. Et c'est là qu'on voit que l'idée révolutionnaire, finalement, elle a beau se vouloir radicale, vouloir aller au fond des choses, finalement, elle restreint le champ des choses qu'on peut vouloir parce qu'elle accepte que nous voulions des choses seulement si ces choses peuvent être résolues dans un cadre historique à court terme. Bon. Ici, j'ai voulu parler un petit peu d'éthique, c'est un peu des choses. Bon, je vais passer parce que. Bon, c'est des choses sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais simplement pour dire que l'éthique, c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose où on peut dire oui, simplement, on a déjà une éthique, on sait que c'est mal d'être raciste. Si on discute avec les gens, c'est pas du tout évident pourquoi il est mal d'être raciste. On a eu une discussion récemment de savoir est-ce que c'est bien ou pas d'élever par exemple des moutons ou des animaux dans un cadre où ces animaux ne souffrent pas. Est-ce que la seule chose qui importe c'est la souffrance? Est-ce que c'est la souffrance et la mort aussi? Est-ce que c'est la domination qui importe? Toutes ces choses-là sont des choses qui, à mon avis, ne sont pas du tout données d'avance, qui impliquent une réflexion, qui impliquent aussi des désaccords, qui impliquent qu'on devra avancer malgré les désaccords qu'on a entre nous. Il y a des choses dans l'éthique qu'on pourra résoudre qu'avec le temps, qu'on ne peut pas résoudre déjà aujourd'hui. Des questions pratiques que pose l'éthique de savoir est-ce que les animaux sont des êtres sensibles, enfin, est-ce que les insectes sont des êtres sensibles. Donc là, il y a tout un domaine qui, petit à petit, devra être discuté, dévoilé. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, l'éthique, c'est la question que faire. C'est beaucoup moins quelque chose qui se préoccupe de condamner les gens. Or, l'éthique aujourd'hui, elle est souvent éthique et utilisée dans un aspect purement dénonciateur. La phrase que je disais, montrée tout à l'heure, est où le maire, le salaud, le raciste, le etc., etc., et qui finalement, c'est utilisé comme moyen pour véhiculer la haine. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut refuser cette haine. On peut avoir des positions politiques, et je pense que là, d'une certaine façon, ça rejoint la non-violence. On peut avoir des positions politiques qui refusent la haine. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important et très central. Je pense que si d'un côté et de l'autre, au Moyen-Orient, les gens s'étaient basés sur des positions éthiques en disant ce que vous faites là, ce n'est pas juste, vous n'avez pas le droit de le faire. Nous faisons appel à votre sens éthique, aussi à vous, aux personnes en face, et pas seulement en disant avec un discours angélique, mais aussi à mobiliser le camp d'en face, à faire des choses comme ça. Ils ne l'ont pas fait, ou ils l'ont fait un peu, mais ils l'ont très peu fait. Et ils l'ont très peu fait, à mon avis, parce qu'ils ont été aussi enfermés dans les schémas révolutionnaires ou certains schémas qu'on leur donnait de l'extérieur et qu'ils ont porté vers des schémas de violence et pas des schémas non-violents. Enfin, moi, je me dis pas non-violent dans le sens que je ne bannis pas tout appel à la violence, mais je dis que l'appel à la violence ne doit pas être la violence pour elle-même, que la violence est toujours quelque chose de moche, que si je suis violent, la personne en face, je dois regretter de lui faire du mal. Et je pense que ça, c'est quelque chose de central, de central dans notre approche des choses. Et voilà, donc les gens avons envie qu'on se réapproprie la notion de progressisme, qu'on se dise qu'on est libre d'être progressiste en sortant éventuellement des schémas qui sont déjà donnés, qu'on n'a pas à tomber comme seul choix d'être apolitique parce qu'on est rejeté par les gens de droite, qu'on a un droit d'inventaire sur ces conceptions révolutionnaires, et qu'on a à inverser le schéma, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on n'a pas à se poser la question est-ce que l'antispécisme peut prendre sa place dans la liste des luttes révolutionnaires de cette perspective-là. On a plutôt à se dire nous sommes antispécistes, l'antispécisme concerne tous les êtres sensibles, nous avons à développer, éventuellement en reprenant beaucoup de choses qui ont été faites par les marxistes, parce que nous avons beaucoup à apprendre, parce que beaucoup de choses ont été étudiées par d'autres gens que nous, et aussi parce que, de fait, je pense que l'antispécisme a été extrêmement naïf et extrêmement isolationniste, d'une certaine façon, et que nous avons été peu nombreux, et pour différentes raisons, nous avons été très mauvais dans certains domaines, nous avons eu un point de vue finalement naïf et purement d'exhortation des gens à ne plus manger la viande, etc., etc., et qu'il y a beaucoup à faire pour récupérer, à utiliser dans ce qui a été fait dans les mouvements révolutionnaires, mais toujours avec notre droit d'inventaire, avec notre droit de dire nous devons vouloir intégrer ces choses-là dans notre point de vue. Et par exemple, plutôt que de demander ce qui a été posé sur des listes il y a quelques années, de savoir si l'antispécisme était intégrable dans l'anarchisme, avec sous-entendu de savoir est-ce que les anarchistes se sont dit est-ce qu'on peut être antispéciste, beaucoup ont répondu non. La fédération anarchiste par exemple aujourd'hui dit l'anarchisme est incompatible avec l'antispécisme, donc nous avons décidé que nous bannissons l'antispécisme de toutes nos discussions. Moi j'ai plutôt envie de dire la question à poser c'est le contraire, est-ce que l'anarchisme est compatible avec l'antispécisme, nous sommes antispécistes, est-ce que nous pouvons être anarchistes, est-ce que nous pouvons être communistes, est-ce que nous pouvons être révolutionnaires dans ce cadre là oui, non, un peu, etc. Et surtout, ce que je veux, c'est, enfin surtout, en tout cas pour terminer là-dessus, c'est mon dernier transparent, je vous rassure, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, je pense que jusqu'à maintenant, on a eu très peu le choix. C'est-à-dire, on a eu seulement le droit d'être dans un schéma apolitiste ou dans un schéma révolutionnaire, plus ou moins consciemment d'origine marxiste. On s'est confronté avec beaucoup de gens marxiste, et là c'est une réalité quoi, je veux dire le fait de ce que j'appelle ici la mort révolutionnaire marxiste, je veux dire le mépris qui est véhiculé par là, et je pense que c'est pas simplement un mépris de gens qui sont méchants, c'est un mépris qui, on le retrouve chez Marx ce mépris, et je pense que c'est quand même quelque chose qui est dans le système, qui fait partie des bases théorique de ça et qui nous fait peur et qui fait qu'on a eu du mal à sortir de ça. Et je veux dire qu'on a le droit de remettre l'ensemble de ces choses-là en question. On a le droit, malgré tous les Jacques Weinstein du monde, de dire oui, les humains sont des objets et qu'en disant ça, je ne suis pas en train de les traiter comme des marchandises, parce que sûrement là-dedans, c'est la conclusion des gens qui veulent nous caricaturer là-dedans. Les humains sont des objets, j'ai le droit de repenser l'éthique, j'ai le droit de reprendre les choses à zéro d'une certaine façon, j'ai un droit de critique là-dessus. Bon, ça fait, je voulais faire je voulais faire trois quarts d'heure maximum, j'ai fait un peu plus. Mais je pense que c'est... Enfin, j'ai eu du mal à exprimer les choses, j'ai l'impression que... C'était pas très bien structuré, qu'il y a des choses que j'ai pas réussi à dire, mais c'est ma faute. Je pense que c'est un très vaste sujet. Je pense que j'ai dit, je voulais pas tenir longtemps parce que je pense que chacun a le droit d'avoir des points de vue très différents sur cette question-là. Mais en même temps, je pense qu'il y a un gros travail à faire de se libérer, simplement de se libérer, quitte à revenir aux choses qui existent avant, d'abord de dire j'ai le droit de critiquer ça, j'ai le droit sans qu'on me dise tout de suite je suis dans le camp de l'ennemi, si tu es pas avec nous, tu es contre nous, etc. Voilà. J'ai fini. Place à la discussion. Oui, en fait, Jérôme. C'est assez régulier que vous confrontez à la question de définir l'éthique. Et toi, c'est le plus clair. C'est quand tu t'es amené à définir le fait que tu suis une éthique, voilà, que tu te donnes une éthique. Tu te dis, j'essaie de répondre à la question. Qui t'a confronté à... Ouais, c'est... Non, moi, j'ai... Enfin, je veux dire... C'est juste que moi, je suis en définir bien, et moi, je ne sais jamais quoi dire, j'ai jamais faire éthique et morale. Enfin, je pense que, enfin, éthique et morale, je ne sais pas si ce sont vraiment deux mots différents. Moi, j'ai tendance à dire éthique, mais je pense que, bon, quand on réfléchit sur les choses, classiquement, il y a deux domaines de proposition. Il y a, quand on dit, par exemple, cette chaise est blanche, je suis en train de dire c'est ce qu'on appelle une proposition descriptive. Par contre, si je dis nous devons faire cuire les pommes de terre, sinon elles ne seront pas bonnes. Pardon ? Enfin, nous devons faire cuire les pommes de terre. Ou si je dis viens manger, ce sont des propositions prescriptives. Je ne suis pas en train de décrire un état du monde, je suis en train de décrire ce qu'on devrait, enfin comment je voudrais que le monde soit. Je veux que tu viennes manger. Si je dis il est bien que tu viennes manger ou ce que tu as fait n'est pas bien, je ne suis pas en train de dire si tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Et je pense que, en fait, les propositions prescriptives, plus qu'être simplement ce genre de propositions, le problème c'est que chaque fois que je veux que j'agis, je suis obligé de me poser la question que faire. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ma vie, je fais des choix. Je veux dire, je peux me lever et me mettre à courir en rond dans la pièce. Je peux le faire. Je ne le fais pas. Je peux dire des mots, je peux choisir. Bon, je veux dire, à chaque instant de notre vie consciente, éveillée, nous faisons des choix. Nous les faisons pas en fonction de choses purement descriptives, mais en fonction de la réponse à la question que faire. Et là, il y a une question qui, à mon avis, est irréductible à une question descriptive. La question que faire n'est pas seulement la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, n'est pas seulement la question qu'est-ce qui me fera plaisir. Parce qu'à la question qu'est-ce qui me fera plaisir, on peut répondre pourquoi est-ce que j'agirai en fonction de ce qui me fera plaisir dans 5 minutes. Je ne suis pas obligé. Je peux dire, dans 5 minutes, j'aurai plaisir à manger, mais là, tout de suite, je suis content d'être sur ma chaise. Restons sur ma chaise. Donc, je pense qu'il y a un domaine prescriptif qui est irréductible au domaine descriptif. Et je pense qu'il y a une tendance dans les mouvements matérialistes du 19e siècle à vouloir bannir le prescriptif, parce que le prescriptif, on ne sait pas très bien en fonction de quoi comment l'expliquer. Les religions ont voulu l'expliquer d'une certaine façon, ont voulu dire que ce sont des lois qui sont venues de Dieu. Si on bannit les religions, si on dit nous nous plaçons dans une perspective matérialiste, on ne sait plus comment placer ces choses-là. Alors, on s'est précipité sur la perspective darwinienne qui dit il y a un monde qui, chaque être vivant, cherche à se reproduire au maximum, donc c'est la lutte de chacun contre chacun. Ce qui se raccrochait à des thèses, on faisait déjà ça, avec des thèses pour expliquer le contrat social, etc., la guerre de chacun contre chacun, et finalement, si les gens acceptent le contrat social, c'est chacun pour son propre intérêt. Donc on a beaucoup de mal à expliquer pourquoi les gens voudraient agir pour d'autres gens. Personnellement, je suis incapable de l'expliquer, mais je pense que je suis incapable d'expliquer aussi pourquoi les gens agissent pour leurs propres intérêts. Je veux dire, c'est à un niveau descriptif, je peux me dire, je l'explique comme j'explique les plantes poussent vers le soleil avec le darwinisme du sol, mais je peux dire à quelqu'un, pourquoi te lèverais-tu pour aller manger? Et la personne est capable de me répondre. Si la personne me répond, je le fais parce que c'est ce qui permet la survie et tout ça, il est en train de retomber à un niveau descriptif. Alors que ma question prescriptive, il est incapable d'y répondre. Et je pense que d'une façon générale, aujourd'hui, le prescriptif, c'est quelque chose que nous sommes incapables de l'expliquer. Mais je pense aussi que nous sommes incapables, dans le fond, d'expliquer le descriptif. C'est-à-dire, malgré l'évidence des choses du genre « cette chaise est blanche », tout le monde dit « oui, ça décrit cette chaise ». mais l'évidence du fait que cette chaise est blanche, est-ce qu'elle est réellement blanche en elle-même, ou est-ce que le blanc est une couleur dans notre œil, alors qu'un oiseau le percevra d'une manière autrement, etc. Ce sont des questions qu'on a posées depuis des siècles et des siècles, et auxquelles on n'a aucune réponse. La question de savoir est-ce que le monde existe en lui-même alors que nous n'approchons le monde que par nos sensations, c'est une autre question, et il est parfaitement cohérent à un niveau logique de dire le monde n'existe pas. Je dirais, il y a un courant philosophique qui le dit, le monde matériel n'existe pas, et que il est vrai que l'éthique, nous ne savons pas. Enfin, moi je définis l'éthique comme étant la science de la réponse, la science générale de la réponse à la question que faire. Comme je peux définir la physique comme étant la science générale de la réponse à la question qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existe matériellement. Mais dans un cas, si on me dit le prescriptif, je ne peux pas le fonder de manière rigoureuse, logique, je dis oui, je ne sais pas aujourd'hui le fonder de manière rigoureuse, logique, mais je ne sais pas non plus fonder les propositions descriptives de manière rigoureuse, logique, ni l'un ni l'autre, et qu'il n'est absolument pas légitime de dire l'éthique n'existe pas, de vouloir délégitimer l'éthique au nom du fait que nous sommes incapables de le fonder jusqu'au bout de manière absolue. Il n'est pas légitime de vouloir refuser l'éthique tout en acceptant les propositions descriptives. Si on fait la critique de l'un, on doit faire la critique de l'autre. Or, personne ne fait une critique réelle des propositions descriptives. Personne ne croit réellement que le monde matériel n'existe pas. Même des gens qui prétendent le croire, ils ne le croient pas. Les gens qui croient réellement que le monde matériel n'existe pas, donne-leur une ampoule de cyanure et verse-leur dans leur verre et dit bois ce cyanure. Tu verras leur réaction. Dans les faits, ils ne le croient pas. Les gens qui croient réellement que l'éthique n'existe pas, donne-leur un coup de poing sur la gueule, ou de façon plus soft, j'ai déjà fait, hein, j'appuie très fort sur leurs pieds. Les gens qui disent la souffrance n'importe pas, ça m'est arrivé, et avec énormément d'appuyer très fort sur leurs pieds, sur leurs doigts de pied, leur dire tu me le dis encore que la souffrance n'importe pas, que la souffrance du poulet il n'importe pas, que tu veux manger. Et là des fois ils font une grimace, ils ne sont pas capables de soutenir ce genre de conneries, quoi. Et s'il est mal de faire souffrir un poulet, ou s'il est mal de leur donner un coup de poing dans la gueule, je peux leur demander comment tu dis que c'est mal ça, sans accepter que l'éthique, d'une certaine façon, elle est fondée pour toi aussi, même si nous ne savons pas la fonder de façon absolue. Enfin, voilà. Oui. Il me semble que t'as dit que toute proposition prescriptive est une proposition éthique, et il me semble que traditionnellement, ceux qui pensent que les propositions éthiques sont des propositions prescriptives pensent que, en fait, il s'agit d'un sous-ensemble des propositions prescriptives qui sont des propositions prescriptives universelles. Et du coup, juste en dessous, enfin, je ne sais pas si tu veux pas remettre la page là. Voilà, c'est celle-ci. Oui. Et du coup, ta première proposition, éthique égale réponse à la question que faire, moi je remplace plutôt ça par éthique égale une des réponses à la question que faire. Et je me demande en fait les implications que ça a par rapport à une argumentation qui part du postulat qu'il faut abandonner tout autre support au changement que celui de l'éthique. Et il me semble que ça t'amène à être plus optimiste que ce qu'il faudra. Donc, disons, il reste que l'éthique pour argumenter en faveur du changement. Et donc, mais en fait, donc, ça va être quand même possible avec l'éthique, alors que si l'éthique n'est qu'une des réponses à la question que faire, ça va être plus difficile. Enfin, je suis pas très sûr de comprendre ce que tu veux dire par le problème du fait que ça soit qu'une des réponses. Mais sur le fait que... Enfin, moi, je dis pas du tout que l'éthique est l'unique réponse à la question à comment améliorer le monde. Je dis seulement que c'est un ingrédient sine qua non, que absolument indispensable, qu'on ne peut pas arriver à, par exemple, l'idéal que décrit Marx du communisme. Je veux dire, on ne peut pas espérer que chacun travaille spontanément et ramasse les ordures des autres s'il ne le fait pas en considération des intérêts des autres, quoi. Et on ne peut pas espérer simplement qu'il le fasse, par exemple, par sympathie. Pourquoi est-ce qu'il aurait de la sympathie ? Je veux dire, la sympathie, c'est une réalité biologique, animale qu'on a, mais notre sympathie, elle est aussi à géométrie très variable. Je veux dire, les gens, en Afrique du Sud, les Blancs, ils avaient une sympathie pour les Blancs. Moi, je me rends très bien compte que quand je vois, si je vois une photo d'une bombe qui a explosé en Inde, et des corps déchiquetés de gens là-bas, très loin de moi, avec une autre culture, j'éprouve moins de sympathie que si je vois des corps de gens qui ont explosé à Londres, quoi. Je veux dire, ma sympathie spontanée, elle... Donc, on ne peut pas se baser sur la sympathie, il faut se baser sur une éthique... réfléchir, enfin, faut développer l'éthique, il faut que les gens deviennent intelligents. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est central dans le point de vue antispéciste. Nous ne pouvons pas chercher à faire la révolution en manipulant les gens. Par exemple, sur la question de l'expérimentation animale, dire il est opportun de dire aux gens que l'expérimentation animale est inutile, je pense que nous avons, pour abolir l'expérimentation animale, il faut amener à ce que les gens veuillent l'abolir pour les animaux. Il ne faut pas les manipuler pour qu'ils croient que c'est pour leur propre bien, quoi. Je veux dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour tout un tas de raisons. Et donc c'est un ingrédient indispensable que les gens deviennent intelligents, deviennent éthiques. Mais là où on a été extrêmement naïf et faible, c'est dans notre pratique. On fait comme si c'était un ingrédient suffisant. Enfin, je parle beaucoup pour moi, un peu pour d'autres, moins pour d'autres. Je pense qu'Antoine a beaucoup développé des choses dans d'autres sens et réfléchi dans d'autres sens. Mais c'est clair qu'on a été insuffisant dans ce domaine-là. Maintenant, sur ce que tu disais, que l'éthique est on définit d'habitude comme étant certaines propositions prescriptives et pas d'autres. Bon, d'abord, on considère que, en général, on considère que l'éthique concerne les propositions prescriptives qui concernent autrui. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent, moi j'ai le droit de faire ce que je veux tant que ça ne me concerne que moi. Et que l'éthique, c'est seulement de savoir, c'est seulement le fait qu'il faut que je tienne compte aussi des autres. En pratique, ça se résume souvent à ça. Mais je pense que, pour différentes raisons techniques, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais je pense qu'on n'a pas besoin souvent d'avoir des propositions prescriptives concernant soi-même, parce qu'on les obéit de façon plus spontanée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rarement besoin de dire aux gens de ne pas se faire de mal à eux-mêmes. Je dis pas qu'il n'y avait jamais besoin, mais plus rarement. Alors que ça devient beaucoup plus nécessaire quand il s'agit de faire les autres. Mais aussi, c'est parce que j'ai un peu une approche qui est un peu semblable à celle d'autres sciences. Je pense que dans d'autres sciences, il y a des propositions qui font partie du domaine d'une science qui peuvent être vraies ou fausses, quoi. Je veux dire, si il y a une proposition concernant la physique, elle peut être vraie ou elle peut être fausse, ou on peut avoir différentes approches physiques. La proposition de la physique d'Aristote qui dit... je vais peut-être dire des conneries parce que j'ai pas lu le bouquin, mais je crois que la physique d'Aristote disait que les objets tombent parce qu'ils cherchent leur lieu naturel qui est le centre de la Terre. C'est une proposition absurde au regard de la physique d'aujourd'hui, mais ça reste une proposition de physique. C'est pas une proposition de cuisine, c'est de la physique. C'est un mauvais exemple de cuisine, dans le sens que la cuisine, pour moi, c'est de la chimie, quoi. La chimie appliquée à d'autres choses. Mais bon, que l'astrologie, c'est une science prédictive, c'est une science fausse, à mon avis, mais c'est une science. Que les propositions prescriptives qui nous concernent, nous, elles sont peut-être inutiles, qui nous concernent nous-mêmes. Dire aux gens qu'il ne faut pas se faire de mal à soi-même, c'est une proposition inutile. De la même façon de dire aux gens si vous sautez d'une falaise, vous tomberez, c'est une proposition physique inutile. Les gens le savent déjà. Quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école faire des études de physique pour le savoir. Mais c'est une proposition de physique. Mais je pense que le fait de considérer que toute prescription physique, toute prescription éthique, enfin prescriptive est éthique, ça permet une unification du point de vue du champ éthique. Maintenant, bon, d'autres personnes peuvent avoir d'autres points de vue là-dessus. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Peut-être. Oui. Non, peut-être pour compléter d'une autre façon, mais rapidement. C'est que, par exemple, si maintenant je me dis qu'est-ce qu'il y a à faire, bah, tiens, il y a à faire à manger parce que j'ai faim, il y a quand même, ça va être éthique au sens où il y a, même si c'est un formulé, il y a derrière une conception de. Par exemple, je vais dire, je vais faire à manger pour moi. Maintenant, là, il y a un arrière-plan qui est, je m'occupe de moi-même. Si je me dis, du pied avec sur le même temps, l'arrière-plan est de, je m'occupe de tout le monde. Si je disais, je vais faire à manger pour tout le monde. Et que c'est, que souvent, c'est les propositions dites égoïstes qu'on juge ne pas être éthiques. Mais en fait. Mais à ce moment-là, on élargit énormément le concept d'éthique et oui, tout à fait. Être utile pour augmenter en fait l'antispécisme. Si être égoïste, si être égoïste, c'est une façon d'être éthique, de ne plus aller argumenter envers les gens en leur disant devenir antispéciste pour des raisons éthiques. Si on peut dire, s'il y a des gens qui sont formés en éthologie, je crois que l'éthique a à voir avec le quotidien, de toute façon, et un comportement au quotidien. Donc il peut très bien ne pas exclure des comportements égoïstes. Ouais, mais ça me dérange pas, c'est possible, à l'avenir d'élargir le concept pour inclure l'égoïsme, mais à ce moment-là, moi j'ai l'impression qu'on ne peut plus argumenter envers les gens. Ici, il y a des éthiques plus rationnelles que d'autres. Oui, on peut dire qu'il y a des éthiques justes et des éthiques fausses. Puis, de la même façon qu'on peut argumenter en faveur de la physique de Galilée par opposition à la physique d'Aristote, sur quelle base exactement, je ne sais pas, mais je veux dire qu'on peut argumenter en faveur de l'une et de l'autre et dire que la physique d'Aristote était fausse, ça reste une physique. L'éthique de Hitler, c'est une éthique, mais elle est fausse. Enfin, je veux dire, elle est. Mais elle n'est pas. À la rigueur, on va réussir à prouver que les propositions égoïstes ne sont pas des vraies propositions, éthiques, mais ça n'empêche pas qu'à la question que faire, on pourra toujours répondre de manière égoïste, quoi, et sans se contredire. Même si c'est plus de l'éthique, c'est pas de la vraie éthique. Oui, c'est pas autant une réponse à la question que faire que la réponse qui sera de la vraie éthique. Oui, mais de toute façon, je veux dire, la solution qui consisterait à dire c'est pas de la vraie éthique, tu forces pas les gens non plus. Je veux dire que l'éthique, par définition, c'est pas le bâton. Je veux dire, de la même façon que je veux dire, tu as beau faire de la physique et faire montrer que la physique de Galilée elle est plus juste que celle d'Aristote, je veux dire, quelqu'un peut très bien dire qu'est-ce qui me prouve, qu'est-ce qui m'oblige à croire au témoignage de mes sens. Tu peux pas, il n'y a aucun bâton ni qui soit capable de forcer les gens à croire des choses, ni qui soit capable de. Non, c'est pas ce que j'avançais. Je disais simplement que quand bien même la personne accepterait que sa proposition n'est pas une véritable proposition éthique, elle pourrait bien y répondre et alors, et continuer à se comporter de la même manière en prétendant que sa réponse est aussi une réponse à la question que faire. Oui, mais je pense que si elle dit ça, c'est qu'elle n'a pas réellement intégré ce que signifie l'éthique. Enfin, c'est un mot, je sens que j'ai remarqué ça, souvent quand on parle de quelqu'un de moral, il ne va pas supporter l'idée de morale, il va très bien supporter l'idée d'éthique, alors que théoriquement, les mots sont aussi si proches. C'est le même sur un lapin. Voilà. Donc, ça a à voir avec la notion de bien et de mal. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la notion de bien et de mal vue de l'autre pour soi, appliquée à soi. Mais la notion de bien et de mal pour soi, appliquée à soi, là on est dans l'éthique. Je ne pense pas qu'on puisse dire tel acte est éthique. Ça, c'est une dérive actuelle et c'est une dérive à mon sens moraliste. Je reprends le terme dans le sens où c'est une société qui veut juger. Mais là, je pense qu'on est plus dans l'éthique. Enfin, l'éthique, c'est quand même, ça a quand même à voir avec soi. Ben, c'est soi, de toute façon, c'est soi qui prend la décision. Je veux dire, chacun prend la décision. Par contre, je suis d'accord, c'est que... Enfin, on fait souvent de l'éthique une espèce de sous-domaine. Par exemple, on dit le commerce équitable, ou on dit des considérations éthiques par opposition à des considérations d'opportunité. Alors que, je veux dire, les considérations d'opportunité aussi, elles sont éthiques. Enfin, elles, juste ou pas, mais elles sont éthiques. L'éthique, c'est pas juste un petit domaine qui correspond à... qu'on poserait un peu de façon subsidiaire par rapport à tout le reste. Quoi. Moi j'entends. La proposition, enfin l'éthique, je la vois de manière beaucoup plus large, pour moi c'est tout comportement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas répondre à la question que faire, puisqu'on agit toujours, mais qu'ensuite, l'éthique telle qu'on l'a choisie, elle peut être soit construite, c'est-à-dire qu'on lui donne du sens, et qu'on la rationalise, qu'on la rend juste. Qu'on essaie d'avoir un idéal de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, et qu'il y a des éthiques qui sont héritées par l'histoire et la construction individuelle, et puis d'autres qui sont naturelles, parce qu'il y a des éthiques naturelles, et que c'est un terme beaucoup plus large, et ensuite c'est le choix de l'éthique en particulier qui va être important, de quelle éthique on va suivre en particulier. C'est plus dans ce sens-là, oui. Mais alors, moi, il me semble que les discussions en éthique vont être du même type qu'effectivement les discussions en sciences, par exemple. C'est-à-dire, ce que quand David parlait de juste ou pas juste, que la morale des lecteurs, par exemple, il considère qu'elle est fausse, et ben, je pense qu'il y a au moins deux critères fondamentaux pour juger une éthique. C'est dans quelle mesure elle est en lien avec la réalité, elle s'appuie sur des faits, sur une réalité. Et par exemple, la morale de Hitler, on peut la critiquer à travers la conception qui se faisait de la réalité sur laquelle s'appuyait, donc les notions de race, de supériorité, d'infériorité de race, ou des choses comme ça. Ou la notion de sélection naturelle, qu'il faut suivre la nature, enfin, tout ça. Et puis, une notion de cohérence aussi, de non-contradiction, etc. De logique, peut-être même de l'universalité. Et peut-être aussi. Oui, en tout cas, c'est une façon de doter son éthique de positivité et de la communauté positivement, pour ne pas parler de bien ou mal. De dire au moins, mon éthique est universelle, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer aux autres, comme les autres peuvent l'appliquer à moi-même. Oui, mais tu... Oui. Non mais c'est moi qui. Non mais oui, enfin les termes sont extrêmement connotés. Moi tel que je conçois l'éthique, j'aurais envie de, enfin vraiment que ça soit qu'on dépasse les notions de culpabilité et de punition. C'est-à-dire bon, qu'on les dépasse. Je dirais pas que du jour au lendemain on va abolir toute punition et que les choses marcheront. C'est un peu le même problème que par rapport à l'histoire du communisme, du socialisme ou des trucs comme ça, mais que moi quand j'ai fait des trucs que je trouve pas bien, ce que j'essaye, c'est de me rendre compte du mal que j'ai fait, ou quand j'hésite à faire des choses, de me rendre compte du mal ou du bien que je ferais. Et de m'en rendre compte en termes de connaissances, mais pas en... Ça ne veut pas forcément dire ressentir ce que ressentira l'autre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais c'est en termes de vraiment le comprendre et le prendre au sérieux comme étant un objet réel qui va se passer réellement. Et qu'à partir de ce moment-là, eh ben, quelqu'un qui agit mal, j'ai envie de considérer que c'est quelqu'un qui se trompe, qui s'est trompé, qui n'a pas compris quelque chose, ou n'a pas bien intégré quelque chose, ou qui a mal évalué quelque chose, ou qui a évolué les choses qu'à un niveau seulement théorique et pas réellement intégré, quoi. Comme les gens, ils se fichent de la souffrance des animaux, mais en fait, c'est parce qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, quelque part, de la souffrance des animaux, et que le problème, il n'est pas de les juger comme étant des salauds, il est de les d'arriver à ce qui à les convaincre de l'éthique juste, enfin de leur faire comprendre. Voilà. Oui. Par rapport à, pardon. Oui. D'intéressement. Alors bon, dire on est intéressé par ce qu'on fait, je veux dire, c'est presque une tautologie, donc à la limite, c'est pas. Voilà, il n'y a pas besoin de le dire, quoi. Enfin, sauf ce que je fais quand. Pardon ? Mais moi, je suis contre l'idée que par exemple, s'il y a des vaches dans le pré, je veux les, par exemple, empêcher qu'elles soient abattues parce que ça me fait quelque chose. Et ben, je veux dire, c'est vrai que ça me fait quelque chose, mais je veux dire, je peux très bien fermer les yeux. Je veux dire, c'est facile. Et si je ferme les yeux, ça me fait plus rien. Et j'en serais plus heureux si. Moi, je serais plus heureux si je ne luttais pas contre le spécisme. Je veux dire, c'est clair. Je serais. Je ne lutte pas. Si je lutte pour l'abolition de la viande, c'est pas pour que. Moi, je ne verrai pas l'abolition de la viande. Je ne saurai même jamais de ma vie si elle aura lieu. Je peux espérer qu'elle aura lieu, mais je ne verrai pas la fin de l'histoire. Enfin, je veux dire la fin de l'histoire au sens de celle-là, quoi. Donc je pense, pour moi, ça fait partie de ces carcans que j'ai envie de rejeter. L'idée qu'on doit forcément être intéressé soi-même, au sens d'avoir un intérêt, d'avoir que ça nous fait quelque chose, que ça me fait mal ou que ça me fait du bien, pour agir pour les trucs. C'est, en réalité, je pense que le processus, c'est le contraire. C'est parce que j'estime que les vaches sont des êtres sensibles et qu'elles, ce qu'elles ressentent importe pour elles, que ça me fait quelque chose d'imaginer qu'elles seront mal, que j'attire, que je tourne mon attention vers elles. Oui, mais c'est pas par plaisir que je lutte contre le spécisme. Hein? Que, pardon ? Oui, ah ben c'est une réflexion rationnelle. Ça dépend aussi des champs perceptuels du monde qu'on a. C'est-à-dire que certaines personnes vont percevoir le monde en le jugeant, vont percevoir en ressentant, et que ça va induire un certain nombre de choses sur la manière dont on va voir les choses et la manière aussi on va construire notre propre éthique. Oui. Par rapport à quelqu'un qui va ressentir quelque chose, il va y voir son intérêt. Quelqu'un d'autre, ça sera plutôt porté sur des valeurs qui va mettre dans l'endroit et que ça va aussi lui apporter quelque chose, mais sur d'autres plans. Oui. Pendant comment il regarde le monde. Si j'ai bien compris, il s'agit de faire rentrer la sensibilité à la souffrance animale dans une éthique. C'est ça, en fait, quelque part le but de ton intervention. Enfin, ce que tu souhaiterais. Ce que moi, personnellement, je souhaiterais. Enfin, c'est un des buts, enfin, c'est pas le but central. Enfin, le but central, c'est étant donné que je pense que que j'ai un point de vue antispéciste selon lequel l'éthique, la souffrance animale importe, souffrance des non-humains importe, quel est le rapport à avoir avec dans le mouvement, avec avec les luttes, avec les questions, les contradictions, entre humains. Et que, étant donné que disons que ces luttes correspondent à des traditions qui sont très développées, qui ont une longue histoire, qui ont une histoire très forte, l'antispécisme a du mal à s'insérer là-dedans. Et je pense que on a plutôt qu'à essayer de s'insérer là-dedans, on a essayé d'accepter pleinement l'antispécisme et son point de vue, et essayer d'insérer l'ensemble de ces questions humaines dans l'antispécisme, tout en essayant de récupérer au maximum les choses préexistantes de ces luttes. Oui. Du coup, on viendra certainement là-dessus. S'il s'agit effectivement de faire entrer cette sensibilité à la souffrance animale dans une éthique, d'un maximum de gens, j'imagine aussi, il me semble, enfin, moi, c'est mon point de vue, il me semble qu'il faudra renoncer au terme d'antispécisme. D'abord, parce que c'est aussi c'est très personnel, c'est-à-dire que j'ai énormément du mal avec ces choses. Ça me paraît contradictoire avec la libre pensée et l'éthique, justement, de me lever le matin en disant je suis antispéciste, je suis catholique, je suis socialiste, je suis communiste, je suis anarchiste. J'ai du mal avec ça, j'ai énormément de mal. Parce que je citerai par exemple d'autres exemples. Il y a eu des anarchistes, je les appelle anarchistes parce que l'histoire les a appelés comme ça, je crois qu'on peut aussi le qualifier, qui ne mangeaient pas de viande. Il y en avait beaucoup. C'était très répandu dans l'anarchisme à la fin du 19e. Récemment, j'étais dans un squat à Grenoble, donc tendance libertaire, auto-organisé, etc. La bouffe, chacun s'y collait, bien sûr, et ce qu'on mangeait, c'était végétalien. Pour des raisons extrêmement politiques, dont la souffrance animale. Mais à aucun moment, ils annonçaient l'antispécisme, des choses comme ça. L'antispécisme, pour moi, enfin, je ne connais pas bien, mais ça ne me paraît pas suffisamment large pour être une bannière pour obtenir le résultat que tu souhaites. Voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'on peut insérer la préoccupation qui est fondamentalement la tienne, radicalement la tienne, parce que moi j'emploie le terme de radicalement pas dans le sens il y a un mal, etc. Non, la notion de radicalité, c'est simplement parler du problème et sa racine. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un problème. C'est pour ça que j'accepte le terme de radicalité, parce que j'essaie de parler du problème à la racine et pas de tout autre. Voilà. Ça serait une des choses que j'aurais envie de dire. Après, j'en aurais dit, parce que c'est très long, il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de dire partout. Peut-être notamment pour ça, vite fait, que je suis aussi un petit peu gêné par le. Enfin, je veux dire, la définition de certains mots étant extrêmement piégée, comme tu l'as dit, en plus, ça me semble pas une bonne idée de les utiliser, de toute façon. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été révolutionnaires, dans le sens où ont participé à ce qu'eux ont appelé des révolutions. Je ne serais pas du tout d'accord avec ce que tu appelles le mouvement révolutionnaire. Révolutionnaire. D'abord, parce qu'il est vrai qu'il y a eu des révolutions de droite, il y a eu des révolutionnaires de droite, il y a eu des révolutions national-socialistes. Enfin, voilà, donc on ne peut pas réduire. Ce terme-là, il est piégé. Quoi. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut plus, quasiment plus l'utiliser. Voilà, ça me gêne un peu de construire justement donc, du coup, tout un discours avec ce mot-là, parce que le mot est pas piégé. Mais un mot même piégé, je veux dire, si tu ne l'utilises pas du tout, ça ne résout pas le problème, dans le sens qu'il reste en arrière-fond, il reste dans le fond culturel, comme image, un peu comme l'image du révolutionnaire avec l'étoile rouge, etc. Et il continue à structurer la pensée des gens. Enfin, tant que tu n'as pas essayé d'analyser ce qu'il y a dedans, alors bon, ce que j'ai essayé d'en analyser, c'est sûr que c'est tout à fait critiquable, quoi. C'est un point de vue, mais c'est en même temps, c'est critiquable, mais en même temps, j'ai envie de revendiquer que ça correspond à des réalités, quoi. Je veux dire, ça correspond à des réalités vécues par moi, et je pense par beaucoup de gens. Oui, mais alors, je vais faire peut-être un peu plus. Donner une définition à un mot qui est. Tout en disant que ce mot, dont la définition est falsifiée, enfin, elle n'est pas falsifiée, mais elle est largement tronquée aujourd'hui. Dire ça et en même temps en donner une définition qui elle-même est finalement pas suffisante, c'est aussi contribuer à ça, quelque part. Donc il y a quelque chose aussi, c'est surtout ça qui me gêne. Si c'est pour en donner si c'est pour utiliser le mot révolution, pour s'en servir dans un argument, en donnant la définition qui est celle de la Ligue communiste révolutionnaire, je ne pense pas qu'on œuvre à la réhabilitation de ce que veut dire le mot révolution. Voilà. Mais moi, personnellement, je ne veux pas le réhabiliter, ce mot. Moi, je. Enfin, j'ai pas envie de récupérer le terme révolutionnaire. Enfin, moi, j'ai envie de récupérer le terme progressiste. C'est après tout, à peu près tout, quoi. Dans cette. Enfin, à part les termes spécifiques du style antiraciste, etc. Et quant à la proposition d'abandonner le terme antispéciste. J'ai pas compris moi exactement pourquoi c'était un problème. Parce que, à mon sens, hein, c'est très personnel, c'est moi qui suis très personnel, c'est vrai que là où je me trouverais d'accord, je ne connais pas très bien en plus, je ne m'intéresse pas trop parler d'une idée critiquée. Mais en tout cas, il me semble qu'en tout cas, moi, ce que je partagerais avec cette notion-là, c'est effectivement c'est la sensibilité à la souffrance animale, ça me paraît incontournable. Là-dessus, je serais d'accord. Mais ça, qu'elle se manifeste, elle peut se manifester sans en faire une chapelle, quelque part. Je trouve que c'est plutôt politique, à mon sens. Ça fait rentrer dans des régimes, ça fait rentrer en tout cas ceux qui le revendiquent dans des polémiques avec des gens qui doivent peut-être plutôt avoir. Comme je sais pas, comme je citais tout à l'heure, moi je suis tout à fait persuadé que, comme je citais tout à l'heure, les anarchistes du 20e, de la fin du 19e qui ne mangeaient pas de viande, personne n'aura demandé pourquoi, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un aura demandé pourquoi, il y a certainement une réponse éthique à ça. Les gens dont je parlais, par exemple, à Grenoble, je redonne cet exemple-là, qui eux avaient tout un discours politique là-dessus. Moi, je ne suis pas en train de vous dire « dépolitisons cette histoire », au contraire, hein, c'est très politique. Pour le dire autrement, je pense que leur préoccupation était plus large que l'antispécisme. Mais l'englober, du coup. Mais ils n'ont aucune raison de... Donc du coup, ça me paraît... Ben, d'une part, je ne pense pas qu'ils l'englobaient dans le sens que... Enfin, c'est un peu ce que j'essaye de dire, hein, c'est que si on est antispéciste, par définition, on se préoccupe aussi des autres préoccupations. Enfin, je veux dire, dans le principe ou pas dans le principe, mais dans le principe, dans les faits ou pas, mais dans le principe, on se préoccupe aussi de l'excision en Afrique, etc. quoi. Je veux dire, on ne peut pas être antispéciste tout en disant j'en ai rien à foutre de l'excision en Afrique. Voilà, mais je posais peut-être ma question. Mais ce que je veux dire, c'est que. Pardon ? Quel est l'intérêt Mais s'il y a polémique sur le terme antispéciste, c'est bien qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ne pas le dire, c'est accepter que le contraire se dise, parce que le contraire, il se dit tout le temps. Le fait que les intérêts des animaux comptent pour trois fois rien face aux intérêts des humains. Dire, toute une journée, j'ai entendu parler d'un accident de train qui a eu lieu vers Montpellier, et avec le bulletin radio qui disait le train a heurté deux animaux, deux ânes, il n'y a eu aucune victime, heureusement, avec des rires un peu goguenards sur c'est France Info, un air un peu goguenard sur le fait que c'était des ânes que ça a heurté. Et j'ai pas su que les ânes avaient été tués, sauf en lisant le journal le lendemain, je sais pas quoi. Mais ils n'ont même pas daigné dire ce qui était arrivé aux deux ânes, quoi. Et c'est complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on interroge un éleveur sur comme c'est terrible que son élevage de 20 000 poulets, ils sont tous morts de chaleur, alors que n'importe qui peut penser à la souffrance extrême d'un poulet qui meurt de chaleur. Et on interroge l'éleveur qui dit « Ah oui, c'est malheureux, on est obligé de mendier pour avoir des... » Peut-être de changer de métier ou non, je sais pas, c'est. Et puis, c'est pas seulement dans les discours comme ça, c'est dans la philosophie, si tu dis les animaux importent autant que les humains, je veux dire, on te crache à la gueule, t'insulte, on te compare à Hitler qui aimait les chiens, enfin je veux dire. Alors dire ah oui, faudrait pas le dire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas utiliser le terme antispéciste, ça revient à dire qu'il ne faut pas dire ça. Et il ne faudrait pas le dire sous prétexte que ça fait des polémiques. Je suis désolé, c'est les autres qui font les polémiques, qui nous crachent à la gueule. Et moi j'ai envie de pouvoir le dire, quoi. C'est vrai que quelque part, c'est peut-être un mauvais réflexeur. Je comprends ce que tu veux dire, quoi, parce que ça fait partie d'un tout, alors il faut peut-être trouver un terme qui soit plus global. tous les êtres vivants sensibles. Donc, en fait, ça peut paraître évident. Ça paraît évident, en fait. Hein, ça paraît évident que l'antispécisme, c'est que l'extrapolation de toutes les autres luttes, je ne sais pas si c'est la lutte finale, certainement pas. Quoi, mais en tout cas, l'antispécisme est de gauche, je pense que l'anticapitalisme c'est peut-être antispéciste, comme l'antispécisme peut-être écologiste, et l'écologie écologiste antispéciste. Enfin, pour moi, ça semble comme une évidence. Après, en faire prendre conscience les gens, c'est vrai que c'est plus difficile si on réduit ça au terme antispéciste. Déjà, c'est un terme qui n'est pas très connu. Et en fait, je voudrais peut-être. Et puis ça cloisonne un peu, ça fait un peu séparatiste. Alors que, ouais, je sais pas, c'est sémantique, mais bon, dire militant libertaire, globaliste, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai, ben, je comprends ce qu'il veut dire en disant que l'antispécisme, c'est un peu réducteur. Pourtant, mais bon, c'est parce que c'est une définition philosophique. Mais bon, pour moi, c'est évident, l'antispécisme de gauche, je fais partie de ce courant, je ne suis pas révolutionnaire, la révolution, je ne suis pas trop forcément, mais bon, il faut peut-être aller dans le sens de la simplification de la lutte, de la définition d'antispécisme, à prendre conscience que enfin, c'est dans leurs actes quotidiens qu'ils alimentent la surconsommation, le système capitaliste, et que l'exploitation des animaux entre dans cette logique-là. Thank you. Non, au même titre. C'est-à-dire que c'est quand je l'ai entendu, j'ai fait ah, bah oui, d'accord. Tu vois, en termes de concept. Mais n'empêche que je trouve que c'est quand même quelque chose de négatif, surtout en lien, après, si je m'interroge là-dessus, c'est sur cette notion de quelque chose de progressif, de progressiste et de positif. Moi, je n'ai pas envie de me focaliser sur le terme antispécisme. Je trouve qu'en pratique, pour un mouvement global, c'est un peu difficile de le focaliser là-dessus. Alors bon, Antoine a lancé l'idée du terme sensibilisme. Je ne suis pas très très chaud pour ça, mais je ne saurais pas très bien le justifier. J'aime pas beaucoup ce terme, mais ce que je voulais surtout, c'était dire que pour moi, le mouvement progressiste devrait arriver à s'articuler autour de la question animale, de façon générale. La question animale qui est que nous sommes des animaux, nous sommes des êtres sensibles, sur l'affirmation de ce qui est l'antispécisme, c'est-à-dire de l'égalité d'importance, c'est-à-dire que la négation de l'idée que l'humanité serait quelque chose en soi d'important. L'humanité est importante par rapport à nos caractéristiques, parce que nous sommes les êtres avec un pouce opposable capable de manipuler des choses que d'autres animaux ne sont pas capables de manipuler, etc. Donc, mais la négation de ce qui est à la base de l'humanisme. Et que ça veut dire aussi une perspective progressiste sur une échelle historique qui soit beaucoup plus large, qui soit à l'échelle de 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000 ans. Je veux dire, il n'est pas interdit de se demander qu'est-ce qui se passera dans 100 000 ans, est-ce que le monde sera mieux qu'aujourd'hui ou pas. Ce qui se passera dans 100 000 ans importe aussi, je veux dire, même si on a peu de chance de le vivre, qui est que... Alors que la perspective révolutionnaire se place dans une perspective à court terme, en tout cas classiquement, c'est toujours placé dans une perspective à beaucoup plus court terme, à terme historique. On a des visions de temps historique qui sont de l'ordre de 2000 ans. On a l'impression que 2000 ans, c'est déjà toute l'histoire. Il y a même une émission qui s'appelle 2000 ans d'histoire. Et quand on écoute cette émission, on a vraiment l'impression que ce qui s'est passé avant, il y a 2000 ans, c'était même pas de l'histoire, c'était même pas peut-être des êtres humains, quoi. Je veux dire, dans un sens, l'humanité existe depuis la naissance du Christ. Grosso modo, c'est... Non, mais c'est... Je pense qu'on a dans la tête, on a un peu ça, quoi. Et que notre perspective historique, c'est quelques centaines d'années. Il y a des problèmes qui se posent, que des gens posent souvent, des gens qui sont classés à droite, qui sont par exemple les dérives génétiques de l'humanité et l'idée d'eugénisme. Je veux dire, si on la pose pas, si on ne se pose pas cette question, je veux dire, à terme de 100 ans, il n'y a pas de problème, mais à terme de 20 000 ans, il y a un problème. Et que moi, j'ai envie que l'humanité devienne intelligente, arrive à gérer de manière réfléchie les choses, sur, y compris sur le long terme, à terme de 20 000 ans. Voilà. Et aussi, le fait de... Je pense qu'un truc qu'apporte l'antispécisme, alors que ça soit sous ce nom-là ou que ça soit pas sous ce nom-là, c'est le fait que nous sommes des animaux, nous faisons partie du monde matériel et que nous sommes comme les cailloux d'une certaine façon, que nous sommes des objets d'une certaine façon, que nous sommes comme les tomates et les insectes, la différence étant que nous sommes des êtres sensibles, comme probablement les insectes, comme probablement pas les tomates, et que c'est ça la question fondamentale. Et je pense aussi qu'à un certain niveau, cette évolution que j'espère ouverte vers quelque chose de mieux, ce progrès que j'espère ouvert par opposition à la vision qui tend à être fermée qu'on a aujourd'hui du progrès, de quelque chose avec une révolution, une fin de l'histoire, soit aussi accompagnée d'une révolution ou évolution scientifique. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, la question de savoir ce que c'est qu'un être sensible, comment ça se fait qu'il y a des êtres qui sont sensibles et d'autres ne le sont pas, qui est une question qui aujourd'hui est pratiquement évacuée. La philosophie fait comme si le monde était divisé entre être humain et le reste du monde qu'on appelle la nature, alors que pour moi il n'y a pas l'humanité et la nature. L'antispécisme interdit de penser en ces termes-là. Mais à partir du moment où on abolit cette distinction humanité-nature, eh ben, on en a une autre qui est être sensible, non sensible, qui devient une question scientifique. Et le problème, c'est que notre science aujourd'hui est incapable de prendre en charge cette chose-là. Et je pense qu'à terme, on ne peut pas non plus se dire que l'évolution politique est indépendante de l'évolution scientifique. En même temps, l'évolution scientifique n'est pas indépendante de l'évolution politique, dans le sens que ce n'est qu'à partir du moment où les gens intégreront la réalité du fait que nous sommes des êtres sensibles comme les autres et que cela importe au niveau éthique de savoir si les animaux sont sensibles et lesquels sont sensibles, que la science se mettra à prendre au sérieux la question de la sensibilité elle-même, quoi. Et à l'étudier comme étant un objet objectif, comme étant une réalité objective du monde et pas comme étant une espèce de projection de notre propre sensibilité qui elle-même ne serait qu'une espèce d'illusion comme le font croire beaucoup de scientifiques de la enfin, qui sont très en vogue aujourd'hui, quoi, les gens qui prétendent d'expliquer la conscience humaine comme étant quelque chose de purement mécanique, comme étant une espèce d'illusion, quoi. Pour moi, c'est clair que c'est cette question-là est très politique. Si quelqu'un sait que l'auteur en parlait comme ça, d'ailleurs, ça me gêne un peu parce que je m'en rappelle plus. Si quelqu'un sait ce que je vais dire, là, oui. De quel auteur ça vient, parce que je ne sais pas du tout qui c'est, mais j'aime bien cette idée-là. Le relationnel entre les animaux et les hommes a déjà changé au niveau de la civilisation à l'avènement du christianisme. La personne en parlait comme avec le christianisme, l'animal est devenu l'animal patate. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. L'animal patate. Donc là, il est là uniquement pour nourrir l'homme. C'est la seule. C'est le seul. Alors que. Alors, là, je termine. Alors que d'après lui, je me gâche derrière cette question. Alors que d'après lui, avant le christianisme, il y avait un rapport à l'homme entre l'homme et l'animal, qui était l'animal était mangé, sacrifié, etc. Mais il y avait un rapport qui était beaucoup plus spirituel, puisque déjà on l'abattait en sacrifice, on l'abattait pas dans une étape pour manger. C'était et déjà, je dirais, d'un point de vue humain, c'est déjà une énorme différence. Hein. D'un point de vue, c'était une dimension spirituelle, clairement. Même dans la chasse, quelque part, il y a une dimension qu'on peut considérer que dans la chasse, par celle qui est pratique aujourd'hui, mais dans la chasse à la base, il y a une dimension spirituelle aussi. C'est des choses que certaines personnes expliquent très bien. Donc, on peut, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, c'est très bien. Et que ça a déjà changé à notre époque, ça peut encore changer à notre époque. Enfin, il y a une raison, cette relation-là. Mais je vais dire autre chose. Je te laisse. Ouais, c'est. Parce que dès qu'on parle des animaux, d'antispécisme, de les animaux, et que hop, on fait une parenthèse avec la religion, après, on peut s'enclencher sur des débats de religion, et puis là, après, il peut y avoir d'autres oppositions. Bon, là, je m'excuse après une opposition, parce que, mais en fait, il paraît que le Christ était végétarien, que le premier chrétien était végétarien. Mais non, mais là, quand je parle du christianisme, c'est un symbole, tu sais très bien que. Après, attention, moi je réagis contre le christianisme et puis qu'on tape dessus, c'est pour ça. Non, mais le christianisme, c'est pas Jésus qui l'a inventé, on va pas faire l'histoire ici. Mais bon, voilà, il y a eu une rupture entre Saint Paul, je crois que c'est Saint Paul qui a dit que l'animal était à la merci de l'homme pour le nourrir, quoi. Ah, mais christianisme, ça veut dire Christ, et Saint Paul, c'est comme on dit, il faut bien affaire à Dieu qui est assez simple. Donc si on parle de quelqu'un qui a dit, c'est pas pareil que si on parle directement christianisme, c'est Christ. Et Christ, lui, il a dit non, les animaux, c'est comme les humains. Et il a parlé pour les animaux comme il a parlé pour les humains. Il paraît qu'il y a eu des censures dans les évangiles, et ça apparaît pas. Mais normalement, les animaux, ils ont autant de place que les humains. Ouais. Non, mais moi, je voulais pas faire un débat. C'est juste parce que simplement dire qu'à un moment donné, un événement culturel. Changement d'air avait modifié le rapport de l'homme entre l'homme et l'animal. trouve qu'apparemment c'est du christianisme. Non, c'est pas exactement ça. Au contraire, elle a été pour améliorer la place des animaux. Parce qu'avant Christ, ils s'écorchaient dans les églises et lui, il est arrivé, il a dit non. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les patates, ça a été importé. Non, mais ça, c'était ça, c'est un auteur contemporain. C'est pas Jésus qui a dit dans la France de l'animal, on a mis les patates. Bien sûr. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème de tradition et de culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles et bon, scientifiques. Il y a plein à prouver là-dessus, la sensibilité des êtres vivants, à partir du moment où les systèmes nerveux sont sensibles à la douleur, à la souffrance, peut-être au plaisir. Alors après, c'est vrai que la majorité des gens seraient prédisposés à combattre avec la souffrance des animaux, mais il y a une telle pression, un tel passif passé culturel, traditionnel par rapport à la viande, qui est bon, bien sûr entretenue et développée par les industriels concernés, quoi. Que, en fait, la question c'est de trouver les mots pour faire prendre conscience aux gens, ou alors pour les ramener à leur propre conscience, ou pour casser ces œillères, ces rideaux qui se sont construits. Par rapport à la souffrance animale, au début de la souffrance animale. Donc, par exemple, justement, la scission qui est une entre anarchiste et antispéciste, il y a eu des débats quand même, hein, parce que les slash, avant que ça soit tranché, de façon très totalitaire. Alors finalement, c'est une hypothèse hein, que j'ai mis, c'est que ce rideau-là, pour les spécistes, les gens qui sont dans le consensus, quoi, qui disent oui, bon, c'est vrai, mais bon, ça a toujours été ainsi, et puis qui se trouvent des arguments, comme la viande pour être en santé, etc. C'est de se défaire d'une alimentation qu'ils ont reçue de leurs parents, à base de viande, et remettre en question ça, c'est remettre en question ce qu'ils ont reçu de façon nucléaire de leurs parents. C'est peut-être ça le gros travail pour eux, ce qui les bloque dans l'acceptation. Quelque chose de plus fort qui fera que moi je ne mange pas bien pendant deux jours et puis après, hop, parlait enfin, des tâches, de séparation des tâches. Ce qui est vraiment dramatique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, perdure l'habitude de manger de la viande, alors que les gens n'ont plus ni la connaissance de l'animal, ni le rapport sensible à l'animal. Par exemple, moi j'ai été élevé en mangeant de la viande. J'ai tenu des lapins pour les tuer, je les mange à quatre. Donc j'avais un rapport direct. Là c'était un cas de conscience, personnellement. C'était où j'accepte de tuer l'animal et je le mange. Ou je n'accepte pas de le tuer, à ce moment-là, je ne le mange pas. Aujourd'hui, on est en train d'élever puisque savoir que la consommation de viande a triplé depuis les années 60, doublé depuis les années 60, je crois que c'est assez énorme. On est en train de continuer à conserver cette habitude alimentaire, qui est enfin, quelque chose de très dur à se défaire, je ne sais pas si on peut en parler. Et en plus de ça, sans l'aspect réel, culturel, de tout ça. Quoi. Effectivement, c'est des exemples-là pour les enfants, les poissons, c'est des trucs carrés, dans les congélateurs, etc. Ça, c'est extrêmement dramatique. Je citerai l'exemple, par exemple, j'ai un ami qui est fermier dans le coin, qui a un élevage de poules, de pommaterie, de lapins. Aujourd'hui, il me dit, plus ça va, plus les lapins, j'ai du mal à tuer. Moi, je crois très sincèrement que si on avait conservé ce rapport à, je dirais, au petit abattage, on va dire, pas l'abattage industriel qui est atroce, je pense qu'on avait peut-être une chance d'évoluer vers quelque chose qui irait jusqu'à peut-être le fait de ne plus manger de viande. Simplement parce que par rapport sensible à l'animal, dans une certaine évolution de société. Aujourd'hui, si vous supprimez les supermarchés et vous dites aux gens que vous voulez manger de la viande, donc il y a un gros, là, je vous garantis que plus personne qui en mange. Je te garantis qu'ils continueront, je ne sais pas, que l'éthique soit dénuée d'affect, enfin, je sais pas, pour moi il y a des fausses, enfin, des oppositions dans ce genre-là qui, enfin, pour moi, qui existent tout simplement pas, quoi. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir une éthique sans affect, je veux dire que, et pour moi, ça n'est pas un problème, je veux dire, de la même façon que je peux faire de la physique avec des simples calculs sur du papier, sans du tout me rendre compte physiquement de ce que doit peser l'avion, enfin si j'imagine que je suis en train de faire des calculs sur comment l'avion peut voler, etc. Bon, mais et puis il y a la physique qu'on fait tous les jours, que sans faire aucun calcul, j'imagine qu'en saisissant la chaise ici et en tirant vers le haut, j'arriverai à soulever, quoi. Je veux dire, si je voulais faire tous les calculs, ce serait des calculs compliqués. Donc ça, c'est une physique que je fais et qui est directement branchée sur l'expérience sensible, sur l'équivalent de l'affect. Bon, et puis entre les deux, il y a des liens. Je veux dire que je peux prendre le truc là et puis aussi me dire, ah oui, la force elle est là, il faut que je tourne un peu comme ça parce que centre de gravité. Je veux dire, il n'y a pas une séparation absolue. Je suis absolument contre l'idée qu'il faille baser l'éthique uniquement sur l'affect. sur l'affectif, sur l'intuition, sur le sur la sympathie, parce que moi de la sympathie j'en ai pour les êtres humains blancs qui parlent français et qui ont à peu près ma culture, puis point, je peux avoir ça et ça m'est très facile de l'avoir pour ça si je ne cherche pas à aller plus loin. Je cherche à aller plus loin et mon éthique, elle me dit que les autres aussi ressentent des choses, même si ça ne m'est pas évident au départ. Est-ce que ce n'est pas en fait intéressant de voir ce que ressentent les autres et en connaissance et pourquoi je m'y intéresse? Je m'y intéresse parce que j'ai un certain raisonnement éthique derrière. Il n'y a pas une opposition entre les deux. Mais oui, c'est lié à un certain niveau, mais après je vais quand même pouvoir étendre par le raisonnement ce truc éthique et me dire que les mouches, c'est pas bien de les tuer, même si j'ai aucun sentiment pour les mouches. Même si je me. A priori, elles me font un effet ou aucun effet, mais je veux dire. Ça c'est l'effet qu'elles me font. D'autre part, je peux étudier scientifiquement et déterminer est-ce que ce sont des êtres sensibles ou pas. Et le simple résultat d'une étude scientifique totalement neutre, enfin totalement froide, sans aucun affect, va me dire il faut leur faire du mal, enfin on peut leur marcher dessus ou pas. Bah, je ne suis pas obligé non plus, mais je veux dire que dans ce cas, je le fais pour moi. Dans ce cas, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour la mouche. Et ouais, si... Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui me dit que les, je sais pas, les animaux ou les chiens ne sont pas des êtres sensibles? Pour autant, je vais confier uniquement à cette étude scientifique, je vais confier à mon ressenti. Parce que tu ne fais pas confiance à la science, mais je veux dire, tu as peut-être raison, on a souvent raison, si la science, si un scientifique me démontre par A plus B que ça, c'est pas une chaise, mais c'est un éléphant, je vais peut-être pas savoir démonter son raisonnement, mais je vais pas le croire. Les notions du bien et du mal ne dépendent pas seulement de la science. Elles dépendent de ton vécu, de ton expérience sensible. Tout comme nos notions de savoir, de description du monde, du monde physique dépendent de notre, nos sens. À la base quelque part, mais ça n'empêche pas que si par des équations scientifiques j'arrive à me convaincre que la tour Eiffel elle va arriver à tenir en l'air, alors que vu comme ça j'ai l'impression qu'elle va s'écrouler, je ferai confiance au fait qu'elle tienne en l'air. C'est-à-dire? Mais je l'éprouve parce que je... Ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle quand même, tu ne prends pas d'exemple réel. Mais je pense que moi, je suis assez d'accord. Mais pour la mouche, c'est un exemple réel. Bah, je ne suis pas sûr. Et pour les hommes qui sont pas blancs, c'est un exemple réel aussi, quoi. Je veux dire que des fois, je vois des trucs ou j'entends des trucs sur ce qui s'est passé en très loin, et je me dis, mais pourquoi est-ce que ça me laisse autant indifférent alors que... Si c'était passé à Paris, ça me m'émeuverait plus. Et j'essaye de me dire que derrière la distance, l'étrangeté et tout ça, il y a une réalité qui est aussi sensible et aussi terrible pour ces gens-là que pour un. Et je veux dire, je suis obligé de me forcer à partir d'un raisonnement froid, éthique, rationnel. Je me force à avoir une sensibilité. Et si je n'arrive pas à avoir cette sensibilité... C'est basé sur la sensibilité que tu peux éprouver de façon analogue pour des gens qui ont une sympathie. Oui, mais de la même façon que tous les raisonnements physiques qu'on peut faire, y compris sur la matière dans ses états les plus étranges, dans les étoiles à neutrons et tout ça, sont basés sur notre perception immédiate des objets autour de nous. Des objets matériels autour de nous. En fait, ça me fait penser un peu à... Le corps nous fait raisonner en tant qu'esprit. Mais là, je ne suis pas sûr que partie. Mais moi, j'en fais pas une guerre. Par contre, je refuse de considérer que, par exemple, si la science me démontrait totalement par A plus B, par un raisonnement que je veux pas, enfin, qui m'est totalement convaincant, je vais pas dire ah oui, mais la sensibilité, c'est un truc en plus, c'est un truc. Si je suis totalement convaincu que les mouches ne sont pas sensibles, je vais pas du tout dire il est mal de tuer une mouche. Je pense qu'elle aura tort. Non, mais je peux respecter sa sensibilité, je veux dire. Mais attends, la science, c'est pas un truc à ma place. La science, c'est un truc que chacun peut faire. Hein. Je veux dire. Non, mais elle n'est pas infaillible non plus, mais je veux dire. Pour des raisons souvent sociales et politiques. Par exemple, il y a un truc qui m'a tout embarqué, pourquoi s'est installé le nucléaire alors qu'il était complètement incompréhensible à la majorité de la population et que le solaire a toujours été démineré alors que tout le monde comprend comment ça marche. Mais moi, je veux bien tout à fait faire toutes les critiques des scientifiques en tant qu'être. En tant qu'animaux qui se trompent, animaux qui sont soumis aux pressions, etc. Par contre, je ne comprends pas cette volonté manifestée de façon extrêmement fréquente de se déposséder soi-même dans le principe du point de vue scientifique. Le point de vue scientifique, ce ne sont que des raisonnements qu'on essaye de faire et que tout le monde peut faire, on n'est pas obligé de les faire. Je veux dire, je dis pas qu'on est obligé de les faire, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il n'est pas légitime. Je suis pas d'accord pour dire qu'il y a un monde de la sensibilité, de l'intuition, de la des choses comme ça, et puis un monde du rationnel, quoi. Et je veux dire que le fait de dire que si je dis ça, je suis comme Descartes, non. Je veux dire que je peux être comme Descartes. Je veux bien être comme Descartes dans un certain sens, dans le sens que Descartes considérait comme légitime de réfléchir aux choses de façon rationnelle. Je considère seulement que sa réflexion qui aboutit à l'idée que les animaux ne sont pas sensibles n'est pas une réflexion rationnelle. Qu'il se trompait là-dessus et qu'il faut arriver à démonter ses arguments, que ça fait partie de nos tâches, et pas d'abandonner le champ de la science aux scientifiques qui ont la blouse blanche et qui... Enfin, pour moi, la science, c'est quand même juste une façon de décrire le monde de manière assez efficace qui permet de faire des prédictions. C'est juste ça, quoi. Oui, ça sera jamais. Des modèles et qui font ça, c'est tout, quoi. C'est un outil, quoi. C'est pas. Je pense que c'est pas compliqué. C'est des schémas, quoi, tu vois. Mais je fais confiance, moi. Enfin, je veux dire, je suis moi-même une scientifique. Je fais confiance. À tout ce que peut nous apporter la science, ceci dit, à mon avis, il n'y a pas de machine mieux conçue que le cerveau et humain, hein, c'est ce que justement avec la science dit. Donc, il faut faire confiance aussi aux signes que nous envoie le cerveau en fonction de ce qu'on expérimente de manière sensible. Et que d'un côté, il y a le raisonnement de la science. Des expériences, etc., des résultats bien écrits, productifs, etc. D'un autre côté, il y a aussi tout ce qui enregistre notre cerveau et tout ce qui nous envoie comme signes et qui se manifeste par ce qu'on ressent, par la conscience de ce qu'on a des choses, les rêves qu'on fait, etc. Je pense que c'est et les deux vont ensemble et on peut se servir des deux. En fait, l'intuition, par exemple, l'exemple du chien, imaginons que la science prouve que les chiens sont pas sensibles. Ton intuition, c'est quoi? C'est que, en dépit des preuves de la science, les chiens sont sensibles. Ou ton intuition, c'est que, sachant que les chiens sont insensibles, il est mal de poser un comportement. Mon intuition, c'est sachant que j'éprouve de la souffrance moi-même à faire du mal aux chiens, il doit y avoir quelque chose qui est mal là-dedans. Mais tu ne peux pas lui faire du mal s'il n'est pas tranquille. Mais justement, si j'éprouve, si je me sens mal en, par exemple, le dessin, si je me sens mal moi-même dans ma conscience, ça veut dire que quelque part, mon esprit me renvoie une conscience de quelque chose que la science ne m'a pas prouvé et que moi je ressens en fonction de ce que j'éprouve, des signes affectifs que j'éprouve envers cet animal. Et tu peux pas penser que c'est ton intuition peut se tromper. Tu veux dire quelqu'un qui. Si, mais après il faut. Enfin, je... Après tu mets en balance les deux. Tu fais un choix. Oui, les gens, par exemple, prendre un exemple d'un truc, une intuition éthique que beaucoup de gens éprouvent très fort, qui est par exemple qu'il est mal d'être homosexuel. Les actes homosexuels sont mal. Et je veux dire qu'il l'éprouve aussi fortement que moi je peux éprouver certaines intuitions éthiques sur. Et est-ce que c'est une intuition que tu considères comme qui devrait être. À l'abri du raisonnement ? Non, mais elle est intéressante à décortiquer au contraire. Il ne faut pas mettre de chapeau dessus, par exemple. Qu'on est sur son témoin, il est super intéressant. Ah, mais je suis d'accord. Il ne suffit pas de dire c'est des vieux cons ou je sais pas quoi. Mais que je n'ai pas envie d'accepter les intuitions éthiques. C'est comme quand tu fais. Éventuellement, ça peut être des choses scientifiques. Par exemple, jusqu'à présent, je mangeais des œufs. Parce que j'estimais que, ne tuant pas la poule, donc je pouvais manger des œufs. En prenant connaissance, non seulement de la vie des autres, en discutant avec les autres, et en prenant connaissance de certaines images, etc., ça me fait ressentir. Il y a d'un côté la connaissance de ce que j'expérimente, de manière scientifique, les images, etc. Et de l'autre côté, ce que je ressens, de manière scientifique, et qui me repose le problème. Et là, je me repose la question et je vais faire un choix qui va être différent. Oui, je vais peut-être conclure ce truc-là, parce que je pense que c'est central, mais il me semble que l'éthique, c'est justement c'est cette dialectique entre le. Entre la notion, le ressenti et le rationalisme. Il me semble que si on en favorise l'un. Mais de la même façon que la physique, hein, c'est. On est foutu, quoi. Mais ce rapport dialectique entre les deux impose qu'on n'en thèse aucun. Qu'on n'en thèse aucun. Qu'on en minore aucun. Oui, oui, mais. Et qu'on en minore aucun, mais aussi qu'on. On se méfie, enfin qu'on n'accepte aucun domaine réservé non plus. C'est-à-dire que moi j'accepte pas de dire telle ou telle chose, c'est du domaine de l'intuition, du domaine réservé. Si, peut-être dans certains cas. Pardon ? Il faut peut-être pas minorer quelque chose parce que c'est du domaine du choix sensible ou actif. Ben non. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux proposer une définition sur le mot éthique ? Vous faire respirer spontanément, vous faire une phrase. Oui. Convention du bien et du mal. Le ? Convention du bien et du mal. C'est ce que je veux dire. C'est plus que des convention. Convention. C'est éthique, elle peut remettre en question les conventions, c'est plus que les conventions. Une convention. C'est une règle de conception. Donc le mot convention, ce qu'il y a pour mérite, c'est que une convention, par principe, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. Donc ça laisse entendre. Enfin, moi, je comprends pas du tout le terme convention, quoi. Enfin, par exemple, je vais essayer d'imaginer un débat sur la vivisection. Et on se dit, oui, alors l'éthique de la vivisection, on va dire quoi, les limites de la vivisection, on va se réunir et on va décider entre chercheurs, amis des animaux, politiciens, pères de famille, etc. Et puis on va faire un réunion d'éthique sur la vivisection, on va faire des conventions sur le bien et le mal. Donc ça c'est mal, on ne va pas le faire, ça c'est bien, on peut le faire. Parce qu'en là, il n'y a qu'à les vivisecter, hein. Est-ce qu'on là, il n'y a qu'à se mettre d'accord pour les vivisecter, ça nous arrangera en plus, quoi. Si c'est juste une convention, on fait la convention que... Puis, je veux dire, ici, il n'y a pas de noirs, faisons une convention qu'on peut exploiter les noirs autant qu'on veut. On va être d'accord. Ça nous arrangera. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est... Oui, voilà. Pour moi, ce serait une éthique pas juste. C'est pas une convention, c'est pas synonyme de bien. C'est pas synonyme d'arbitraire, une convention, ça peut être synonyme tout simplement de, à un moment donné, tu réfléchis à un problème donné, tu as des éléments qui orientent ton choix, à un moment donné, tu fais un choix, tu es obligé de faire un choix, c'est une convention, la mise en cause, si tu as d'autres éléments, tu amènes à modifier ton choix. Oui, c'est pas une convention, c'est une... Tu veux dire c'est un accord sur le fait que ça soit bien ou mal. Après, tu fais des lois ou je sais pas quoi, mais je veux dire, ça c'est un autre domaine. Mais je veux dire, l'éthique en soi, c'est... Pardon ? Non, mais c'est en deçà, c'est-à-dire c'est quand tu cherches à savoir qu'est-ce qui est bien et mal avant d'avoir fait ta convention, tu te poses la question avant. Donc on peut pas dire que l'éthique, c'est une convention, quoi. Ben oui. Ben bon, je crois que c'est... On va peut-être arrêter là.